va s'arrêter là pour ce soir. Merci encore pour cette soirée. Oui. Grosse soirée là avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter là tous les soirs et ça fait franchement plaisir. On sera merci là beaucoup. Dès demain sur Fun Radio à oui. partir de 20h avec le doc, avec Karima. Oui. Moi c'est Karel, il y aura Kassim, Lilou, Ludo au standard. Et après Love in Fun tous les soirs à 23h, c'est Mickaël que vous retrouvez. Mickaël No Limit avec yes. toute l'équipe. Salut Mickaël. Ça va bien? Salut tout le monde. En pleine forme. Forme, tant mieux, ah, parfaitement. Oui. Attends, faut penser à Karima toute la soirée. Ah oui. Oh, vous me manquez aussi. Ah ouais, non mais c'était son short qui... Ah oui, mais c'est moi, c'est la combi short. Ah, il a fait des rêves érotiques. Je te ramène, oh là là. Je te ramènerai hein la tenue, tu vas la porter, Toff. Comme ça tu pourras l'avoir tout le temps le combi short. Oh, ah, quelle horreur. Oh là là là là, je peux mourir. Hein. Je peux donner beaucoup d'argent pour voir ça. Oh, quelle horreur. À combien tu peux donner? Eh, il va beaucoup. Il va le faire. Sûr, moi je suis capable. Hein. Tu lui ramènes, il le fait. Hein. Mais il va rentrer dedans. Mais t'inquiète pas. Il a un gros bah, boule, hein, toi. T'inquiète, il doit y avoir du XL. Ouais. Je rappelle quand même que c'est une tenue que Karima devait porter pour Starflore. Ouais. Et quand elle l'a vu, ce que ça donnait sur elle, elle bah, s'est c'est dit. Pas ça. Ah non, c'est pas moi. Elle s'est dit, non, moi j'étais pour. Hein. Non, c'est la chaîne qui n'a pas voulu c'était qu'on trop sexy, en c'était fait. C'était trop sexy pour la télé, voilà, exactement. En fait, quand ils ont vu la gueule que Toff a faite dans le. Dans les loges, ils se sont dit, oh là là, tous les pervers, ils vont débarquer, ça sert à rien. Hop, changeons de truc, c'est mieux au final. Il a joué dans son caleçon, Toff. Ah oui, oui, grave. Complètement. J'ai décollé toute la soirée. Hein. Oh, quelle horreur. Bon, allez, merci à vous d'être passé. À demain. En tout cas, rencard bah, demain à partir de 20h. On repasse demain, il n'y a pas de soucis. Bah, très bien, 20h minuit, 20h, 23h avec le doc Karima, avec Karel également et toute l'équipe. Ça va. Bisous, ciao. Bonne émission. Merci, et on est parti jusqu'à 2h du matin. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Oui, en direct sur Fun Radio, il est 23h. Yeah. Bonsoir et bienvenue dans Mickaël No Limit. Comment s'est passée votre journée? Bien, j'espère. Ouais. Dans l'absolu. Ouais. Bah, venez nous raconter la vôtre, hein, ce qui vous est arrivé. Moi, j'avoue que j'ai démarré ma journée tranquille. Je me suis fait réveiller un petit peu tôt. Et puis, je suis resté pendant 1h30 à rien branler. Ah, ça fait c'est du bien. Pépère, dans le lit, pépère. Au vraiment chaud. Bien. Ouais. Jusqu'à ce que je descende et qu'est-ce que je vois? Encore un mec qui a chié sur ma voiture. Non, mais c'est quand même hallucinant. C'est la deuxième fois depuis que j'habite là, quoi. En fait. C'est une ex, ouais. Non. J'ai pas d'ex depuis 1000 ans. La voiture de Mike, c'est l'attrape-merde. Non, mais c'est un truc de fou. Je sais pas ce qu'elle. Ça peut être qu'un voisin, c'est-à-dire si vous voulez que je vous explique. C'est-à-dire qu'en fait donc je me gare, j'ai pas de la place tout le temps, donc je me gare, ça dépend où est de la place quoi. Et effectivement, ça fait deux fois que je me mets à cet endroit-là et deux fois que j'ai de la merde sur la voiture, mais c'est même pas une place genre devant un garage ou tu sais une place qui fait un peu chier quelqu'un. Non, la place, ça fait chier quelqu'un. Ah bah ça fait chier quelqu'un. Et en fait, à chaque fois je retrouve ma caisse, la première fois c'était un espèce de gros papier journal avec de la merde dedans et bien éclaté, donc il a dû le lancer d'en haut, à mon avis, ouais. Ça devait être un voisin d'en haut. Et puis ce matin. Je l'ai retrouvé. Alors en plus, je venais de passer la voiture au car wash parce qu'elle était dégueulasse. Je me dis, bon, je vais la mettre propre quoi. Et là, paf! Sur la vitre arrière, il y en a partout. Et c'était garé au même endroit que la dernière fois? Bah, plus ou moins, du même côté de la rue. Après, je sais pas si c'était un peu plus haut ou un peu plus bas, mais grosso modo, c'était au même endroit. J'ai mis la photo sur le Facebook, Instagram et Twitter. Allez voir. Je l'ai mise tout à l'heure vers 20h. Donc c'est quand même scandaleux quoi. Ah, il faut enquêter. Non, mais c'est ouf. Je vais devoir mettre des caméras qui filment la nuit. Ça se fait pas de chier sur la voiture de n'importe qui. Bah, oui. Non, mais attends, ils sont relous. J'avoue, franchement, je serais vénère à ta putain. C'est pas ça. Dans l'absolu, je m'en fous, mais c'est juste, ça se fait pas, tu vois. Ah là, après, je m'en crade. Fous, ça m'empêchera pas de me garer au même endroit demain, hein, c'est pas grave. Surtout mais sur une belle voiture blanche. Mais regarde s'il y a d'autres bagnoles qui sont touchées aussi. Hein. Ah, mais il y a que la mienne, à chaque fois je regarde dans la rue, il y a que la mienne qui prend cher. Ah, il rage sur ta voiture, mais peut-être. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi, parce que c'est même pas. Encore, j'aurais une Porsche, tu vois, bon, le mec, pourquoi pas, mais là, c'est pas le cas. Ça se trouve, c'est Toff qui vient se venger la nuit. Peut-être, c'est possible. C'est toi. Voilà. En fait, moi, je viens pisser sur les portières quand il l'ouvre. Ah, cool. Bon, bah, du coup, allez voir la photo sur le Facebook, facebook.com/mickaël officiel. Et puis il y a Youb aussi qui dit comme tous les soirs, la seule excuse pour pas que j'aille dormir, c'est lui, Mickaël. Oh bah merci. Et dit à Sandro, c'est quoi la race de sa chienne? Réponse te plaît, c'est Bruno. C'est quoi la race du chien? C'est censé être un berger Tervuren, mais. Tervuren. Ouais. Mais apparemment, ça ressemble beaucoup à un malinois aussi, donc. Ouais, on c'est sait un pas caniche encore. En fait, normalement, elle sait pas très bien, mais c'est un caniche. Tervuren. Il y a plein de gens qui ont demandé comment tu l'avais appelé. Alors finalement, c'est Isis. Oh, mais Isis. Quel horreur. Ah, c'est beau. Moche. Oh là là. Ah, mais si, c'est beau. Oh, c'est moche. Alors que il pue du cul, c'était quand même vachement plus sympa, quoi. C'est moins la classe quand même. Mais ouais, si, c'est nul. C'est ça qui est bien. Mais ouais. Chez les chiens, c'est la classe de mais oui, comme ça. Voilà. Enfin, bon, bref. Donc, quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus. Venez nous raconter votre journée. Qu'est-ce que vous avez fait de bien? Qu'est-ce que vous avez fait de cool, de pas cool? Vous nous appelez, n'hésitez pas. sais pas. Donc moi c'est Mickaël pour ceux qui viennent de débarquer. On est ensemble du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Continuez à le dire évidemment à vos amis et même à vos ennemis d'ailleurs, hein, que maintenant le soir il y a enfin quelque chose à écouter à la radio de 23h à 2h. Voilà, et si vous voulez participer, eh bien vous faites le 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0 et vous arriverez ici comme Loïc qui est avec nous. Bonsoir Loïc. Salut, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va. Bon, tant mieux, bienvenue à toi Loïc. T'as passé une bonne journée toi ? Ouais, ça va, plutôt cool. Bon, tant mieux. On parle de quoi dans quelques minutes avec toi ? C'est le sujet, j'avais appelé hier soir en fin de soirée avec le sport. Ah oui, pour le sport, oui, c'est vrai, Loïc il nous avait appelé parce qu'il fait trop de sport. Ah et donc oui. Du coup, il était un peu emmerdé et enfin c'est surtout ses copines qui étaient emmerdées puisque bah lui passait son temps à faire du sport. Il avait entraînement le lundi, le mercredi, le vendredi, il va faire le match le samedi, puis après il y a le tournoi le dimanche, enfin bref. En gros, il est là que deux jours par semaine et que ça lui posait un problème. Donc je voulais savoir vous aussi voilà. Les garçons, les filles, est-ce que vous avez une passion qui vous prend un temps fou et surtout bah comment est-ce que vous vivez ça avec votre copain, votre copine et pareil hein, si vous êtes une fille ou un mec et que votre copain ou votre copine a cet emploi du temps un peu surchargé, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous content, pas content, donc appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Donc Sandro va bien? Ouais, ça va. Bon, le chien va bien aussi, il est chier partout quoi. Il est malade. Bah déjà? Bah non, on l'a refourgué mal. Oh là là. Il a déjà été chez le veto quoi. Josiane Lapoisse. La seule meuf qui prend un chien mais malade. Mais exactement, ouais. Oh là là. Bon, Tof qui a passé une bonne journée également? Bah écoute, très bonne. Bah hier avec de nouveaux amis, hein, plein de nouveaux amis qui sont arrivés hier. Ferme ta gueule, je t'emmerde, branleur. Voilà. Demain à ta mère, c'est quoi la dernière fois qu'elle a baisé? Voilà, et. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà, c'était le premier appel qu'on avait eu l'occasion de faire hier. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous aurons encore de nouveaux amis. Bah j'espère aussi, parce que c'est vraiment sympa de se sentir aimé comme mais ça. Mais oui, mais exactement, ce serait. Gros bâtard. Bah oui, gros bâtard. Donc on fera d'autres appels tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai mis le post tout à l'heure, et puis il y a des auditeurs qui ont dit ah putain, pourquoi vous faites pas ça ce soir avec les appels de Tof? C'est un post que j'ai mis sur le Facebook qui disait que apparemment le meilleur moyen d'éviter la grippe, c'est de baiser. Ah. Voilà. Donc, mais je ne souhaite pas attraper la grippe, donc s'il y a des filles intéressées, voilà. N'hésitez pas, toph@funradio.fr. Bien sûr, et donc on va appeler des gens ce soir pour leur demander comment ça se passe, s'ils veulent éventuellement éviter le vaccin contre la grippe qui coûte cher. Si je peux rendre service. Mais évidemment. Et donc si vous avez donc un remède également pour Polo, le pauvre, hein, il souffre, il est malade. Il est malade. Et du coup, il joue forcément du pipeau, et bah ça aide à oublier ce genre de maladie. Hein, voilà. Toujours avec ce grand talent, bien entendu. Merci. Voilà. Je fais un bisou à Stéphane. Voilà, Stéphane, voilà. Bien entendu, qui est son nouveau meuf. C'est une fille. Son boyfriend. Donc ce soir, on continue évidemment à vous offrir les sextoys. On va vous en offrir au cinquième du Top Tweetos ce soir. Comme ça, on fait pas que le premier non plus. Cinquième du Top Tweetos. On change tous les soirs. Hein. Donc comme ça, pour donner une chance à tout le monde, si vous voulez participer, eh bien, il suffit simplement d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission. Et plus vous envoyez de messages, plus vous avez de chance d'être dans le top 5 à la fin de l'émission. Donc hashtag et Mickaël sur le Twitter. Vous nous rajoutez également si vous voulez sur Instagram et sur Twitter, vous tapez Mickaël _, c'est le petit tiré en bas officiel, Mickaël _ officiel. Et si vous me suivez, eh bien je vous suivrai également avec plaisir. Et puis on parlera du Facebook avec notamment la PS4 à gagner ce soir, avec la montre qui vaut 200 euros, la montre Smartwatch 2 qu'on vous offre toute la semaine sur Fun Radio. D'ailleurs on l'offrira ce soir dans le jeu de la rupture. On écoutera aussi Jason Derulo, Dirty Talk. Il y aura aussi Asie avec Born Again, Alesso et Calvin Harris, Under Control. Et puis bien évidemment, celui qui a enflammé Starfloor, c'était samedi soir, Redfoo, Let's Get Ridiculous sur Fun Radio. Voilà, tout ça ce sera évidemment avant la fin d'émission. Si d'ailleurs vous avez des sons à proposer, des idées comme ça en particulier, n'hésitez pas à les proposer. Eh bien vous appelez maintenant donc 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et ça fonctionne bien entendu aussi sur le Facebook et Twitter. Vous mettez le hashtag Mickaël. D'ailleurs il y a Morgane du 33 qui dit j'ai pas eu mon message de bienvenue moi. Bah comment ça se fait, c'est bizarre. Épilez vos poils de cul. Voilà, c'est une bonne idée Morgane. Et Mélissa aussi qui dit bonsoir à toute l'équipe. Je peux avoir aussi une petite dédicace. Ta voiture a des effets laxatifs peut-être. Ouais, peut-être Mélissa, c'est bien possible puisqu'on a encore chié dessus. Il y a Romain également qui dit quoi, baiser ça diminue le risque de grippe? Écoute apparemment. Et Let's Be Freeze qui dit je suis la Tof pour lutter contre la grippe. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Il cherchait quelqu'un. Et il y a quoi aussi, il y a Swaga Gotouille qui dit moi j'ai appelé mon chien Tof. J'espère qu'il a une sale gueule le chien. Et Vincent qui dit dédicace au lycée aux grandes s'il te plaît. Eh ben le message est passé. Tous vos messages, allez-y, balancez-les, il n'y a pas de problème. Et avant de reparler avec Loïc, on a la colle maintenant. La colle, c'est avec notre ami Jimmy qui est avec nous. T'es là Jimmy? Oui, bonsoir. Comment ça va? Ouais, ça va. Bon, tant mieux. T'as 26 ans, t'appelles d'où toi? De Franqueville-Saint-Pierre. Très bien, Seine-et-Marne. Non, Seine-Maritime. Seine-Maritime, pardon, c'est moi qui dis de merde, autant pour moi. Seine-Maritime, j'étais presque, j'avais 50% de bonnes réponses. Essaye de trouver la colle. Loïc. Ouais. T'inquiète, on va essayer de trouver la colle aussi, te casse pas. Ah merde. Je savais pas, moi, t'as vu. C'est pas grave, Loïc. Allez, la PlayStation 4 a gagné. Jimmy, tu vas donc poser une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu gagnes. Tu perds, pardon, la colle. La PlayStation 4 et la colle, forcément. Si personne ne trouve la bonne réponse, tu gagnes la colle. D'accord ? Et la PlayStation D'accord. 4. On y va, c'est parti. On en a déjà offerte deux pour l'instant des PS4 et quand même deux filles, hein. Ouais. Stacy hier, Emily avant-hier. Donc on va voir ce soir si c'est un mec qui gagne ou pas. Jimmy, vas-y, fais péter la colle. Alors, sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? C'est ça ? Oui. Il me semble que j'ai déjà entendu celle-là, mais bon. Mmh. Bon, sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et puis vous pouvez aussi aller voir la colle. Je viens de la mettre là sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous pouvez aller voir la colle donc, et puis bah tenter d'y répondre également hein, donc pour gagner votre PlayStation 4. T'as la PS3 toi ou pas ? Oui. Ah bah tu vas pouvoir faire un upgrade. Bah oui, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Il y a un auditeur qui m'a dit ouais, si je gagne la PlayStation 4, j'offre ma PlayStation 3 à l'auditeur. Ah c'est cool ça. Ah, putain, c'est bon c'est ça. La première fois qu'on me fait un échange. Putain, c'est fort. Bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ouais. À voir. Tu l'offriras toi ou pas Jimmy ? Oh, à voir. Enculé. Ouais. À voir, à voir. T'es merde. Bon, allez, allez-y, bonne chance. Donc sans attends, c'est quoi ? Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? Vous envoyez M-I-K-L et la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et pareil, bien sûr, vous pouvez jouer et lire la colle sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. On te récupère tout à l'heure car on donne la réponse avant minuit 30, d'accord ? D'accord, ça marche. Salut Jimmy, à tout à l'heure. Salut, à tout à l'heure. Ciao. Bon, Loïc. Ouais. Oh, on est au cœur d'une heure sans pub, ça c'est la bonne nouvelle. Ouais. Tranquille, on a Jason Derulo qui arrive. Est-ce qu'il y a un son que t'aimes en particulier pour l'instant Loïc? Eminem, The Monster. Eminem avec The Monster, bah très bien, ouais, ça va le mettre dans. On essaiera de le mettre avant minuit. Ça marche. Pas mal, pas mal. Tiens, il y a Xavier qui dit est-ce que la fellation évite-t-elle d'attraper la grippe? Bah, je ne sais pas, des relations sexuelles, oui, apparemment, d'après cette enquête, mais plus je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Bah oui, c'est ça. Faut demander à Doc. Bah ouais, il y a Stanislas qui dit bonjour Mickaël, je vous écoute depuis hier, j'ai adoré pour le début, je regrette pas de vous écouter, merci mon ami. Bah de rien, Stanislas, sois le bienvenu. Le prince Nadia qui dit Mickaël est le meilleur moyen d'éviter la grippe, c'est de faire l'amour, et je rajouterai d'écouter Mickaël No Limit également. Bah oui, ouais. C'est vrai. Et Cheyenne qui dit coucou l'équipe, hier j'étais au théâtre et on devait faire des matchs d'impro, j'ai dit à mon groupe, au pire, on fait un truc avec un lit superposé qui doit être livré et une secrétaire qui s'incruste quand d'autres gens font l'amour et ils ont refusé, je sais pas pourquoi. Oh, ils sont pas rock'n'roll dans leur tête, c'est dommage. Ah, oh, c'est vraiment dommage. Et Angelina qui dit Mickaël, je te plains, t'as fait des petits problèmes digestifs, faut pas l'excuser le méchant. Non, t'inquiète pas, je compte pas l'excuser, y a pas de problème. Bon, et DJ Roms qui tu m'étonnes, il pue du cul, c'était nickel. Mais oui, pour le prénom du chien de Sandro là, sans déconner. C'est trop long. Mais c'est pas trop long. Scandaleux. Puis du cul, c'est trop long. Parce qu'elle a un chien depuis hier et donc hier on cherchait, on a mis la photo d'ailleurs sur le Facebook si vous voulez aller voir. On cherchait un prénom commençant par I puisque c'est l'année du I. C'est ça, c'était un peu compliqué. Hein. Bah oui, là je confirme. En tout cas, on a eu plein d'idées. Hein. Ouais, alors, merci les auditeurs beaucoup. Ont été hein, très pour très votre bons. Ouais. Plus de 5000 propositions de prénoms. Ça fait plaisir. Wow. Voilà, et elle a choisi quoi ? Isis. La merde. Quelle horreur. La pire merde de la merde. Tu vois, en fait, Isis, c'est la merde qui est sur la voiture. Par là-haut direct. Voilà. Mais c'est arrête, peut-être son chien. Méchant. Mais oui, ah, c'est peut-être le chien, effectivement. Ouais. Bon, Loïc. Ouais. Alors, on va parler de ton problème là. Tu nous avais appelé hier en fin d'émission, mais on était un petit peu pris par longtemps parce que hier on a eu Jean-Pierre Sauzère également, hein, cette grande star. Ouais. Tu connais Jean-Pierre Sauzère, toi hein ? Non, pas du tout. Comment ? Ouais. Mais enfin, comment est-ce possible ? C'est celui qui chante attends, ça. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelier fou, ne me mordis les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le grand lapin blanc veut me croquer qui est ma merveille. Eh ben voilà. Ah, il y a une choré. Ça parle pas de sport. Ah ben non, ça, t'as remarqué que ça parlait pas de sport. Loïc, il a que ça en tête là, le sport. Je rigole. Hein. T'as vu la défaite de Marseille là, encore une fois ? Ah je suis content hein. Ah, bah, t'es pour Paris toi. Et t'as vu la défaite de Barcelone? Ouais. Ah, moi je suis content aussi pour le coup. Enfin bon, c'est un autre détail, c'est un autre débat, ne rentrons pas là-dedans. Bon, Loïc, donc en gros, tu nous avais appelé hier parce que donc tu passais ton temps à faire du sport et que bah ça te permettait pas d'avoir des meufs. Et quand on avait, de toute façon, tu ne parlais que de sport. Et donc forcément, bah c'était un peu chiant, quoi, pour elle en tout cas. Donc je voulais savoir si vous, les filles, les garçons, est-ce que vous êtes déjà sortis avec un mec comme ça ou avec une meuf comme ça, ou au contraire, si vous êtes dans le même cas que notre ami Loïc et que vous voulez en parler, si vous avez peut-être déjà trouvé une solution, je sais pas. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Reste avec nous, on va se faire le jeu de la rupture dans quelques minutes avec c'est des montres qu'on vous offre toute la semaine. Hein. Des montres Sony, les Smartwatch 2 qu'on vous file. Ça vaut 200€. C'est la montre hyper connectée que vous pouvez brancher en Bluetooth avec votre téléphone portable. Vous pouvez avoir les notifications, les messages, les notifications Facebook, Twitter. Vous pouvez faire plein de trucs avec, c'est la folie totale. Et on va jouer donc au jeu de la rupture. Si vous voulez vous inscrire dès maintenant, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Le principe est simple. On appelle des gens au hasard. Vous êtes deux à vous affronter à l'antenne. Et le but, avoir une discussion de rupture avec la personne qu'on appelle au hasard. Et celui qui tient le plus longtemps avec une conversation de rupture, eh bien, repartira avec la montre d'une valeur de 200 boules. Quand même sympa. Ouais, plutôt sympa même. Cool. On fait ça dans quelques minutes. On va faire les premiers appels avec Toff également. Et puis, on va s'écouter au cœur d'une heure sans pub. Bienvenue sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. On est là tous les soirs de 23h à 2h du mat. Et on écoute Jason Derulo. C'est Dolly Talk sur Fun. Get jazzy on. What? I don't understand. Le son de Jason Derulo, Dolly Talk sur Fun Radio, 23h18 au cœur d'une heure sans pub, et ça c'est beau. Et nous avons également toujours la PlayStation 4 à vous offrir ce soir sur Fun Radio. PlayStation 4 à gagner si vous avez la réponse à la colle de notre ami Jimmy. Bah Jimmy qu'on va récupérer tant qu'à faire, hein, puisqu'on est là. Jimmy, t'es là? Jimmy. Ah, Jimmy, voilà. Jimmy. Bon, Jimmy, reste bien à côté de ton téléphone. Parfait. Alors, Jimmy, on va faire péter la colle encore un coup, là, pour ceux qui viennent de débarquer. Il y a des retardataires tout le temps. On y va, fais péter la colle. Je rappelle qu'il y a une PlayStation 4 à gagner en exclu. On en a déjà offerte une hier et une avant-hier. C'était deux filles, d'ailleurs, qui avaient gagné la PlayStation 4. Ce qui n'a pas, évidemment, empêché tous les mecs sur Facebook de gueuler parce que c'était deux gonzesses qui avaient gagné et pas de mecs. Oh, oui, c'est scandaleux. Mais oui. Alors, on verra ce soir comment ça se passe. Bon, vas-y, fais péter la colle. Jimmy, on t'écoute. Alors, sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, eh bien, il suffit d'envoyer M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, répondre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, puisque la colle est écrite dessus. Hein, pour ceux qui ont peut-être plus facile, juste en lisant l'énoncé, hein, peut-être chez des gens, ça fera tilt, je ne sais pas. Donc voilà, vous pouvez jouer comme ça, n'hésitez pas. Alors, on proposait la Tour Eiffel, c'est Cédric. Jimmy. Non. Oh, il y a Napoléon qu'on proposait. Napoléon. Non. On proposait Brest. Non. Notre-Dame. Non. Proposait De Gaulle. Du jambon. Non, c'est pas du jambon. Qu'est-ce que c'est que cette obsession du jambon, toi? Bon, si vous avez la bonne réponse, donc vous envoyez M-I-K-L et votre réponse par SMS au 64 900 ou pour la Belgique au 63 22 et rencard également sur le Facebook si vous voulez jouer. Et gratos, facebook.com/MIKL officiel. On fera un tirage au sort avant minuit 30 parmi les bonnes réponses. Donc, sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je? A tout à l'heure, Jimmy. À tout à l'heure. On te récupère, je rappelle que si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne et qu'il donne la bonne réponse à l'antenne, il gagne et tu perds. Et si jamais personne ne décroche comme hier ou que la réponse est mauvaise, eh bien c'est toi qui gagnes à ce moment-là. Jimmy, je te souhaite bonne chance. On aura Asie dans quelques minutes avec Born Again. Yo. Yo. Et avant minuit, je vous calerai aussi Alesso et Calvin Harris. Ce sera Under Control sur Fun Radio. Allez, restez sur Fun Radio, on est toujours en direct au cœur d'une heure sans pub avec Angelina qui dit « Ah, c'est l'ami de Toff » sur le Twitter qui dit « Je remets officiellement la médaille d'or à Toff pour être l'homme qui pue le plus au monde. Je le plains, le méchant. » Voilà, Jason également qui dit « Comment elle s'appelle la musique de Jean-Pierre ?» Alors, elle s'appelle « Jean-Pierre in Wonderland ». Donc, en vrai, c'est « Jean-Pierre in Wonderland ». Mais comme il ne sait pas parler anglais, du coup, c'est ça. Au pays des merveilles. Et oui, au pays des merveilles. Il y a Mademoiselle Thor aussi qui dit « Ina, c'était beau aussi, j'ai appelé mon lézard comme ça. » Oh, quelle horreur. Enfin, pas Ina, mais un lézard, d'avoir un lézard, c'est bizarre. Et Renaud qui dit c'est un complot, mais oui, c'est un complot pour l'histoire de ma voiture, là, encore un qui a chié dessus, c'est dingue. La photo est sur le Facebook, allez voir. Facebook, Instagram et Twitter, vous tapez Mickaël officiel pour nous ajouter. Et si vous m'ajoutez, je vous suivrai également avec plaisir. Il y a Ariel qui dit c'est parti, il va y avoir une rupture ce soir. Ouais, Ariel, ouais. Et Renaud également qui dit aujourd'hui mon prof d'histoire a sorti une connerie, je lui ai dit monsieur, ça mérite un gros coup de pelle. Je crois qu'il l'a mal pris. Ils sont cons. Ils sont oui, le coup de pelle, c'est ça. Bah, vous devriez l'avoir en classe, hein, le coup de pelle. Hein. Et Clem également qui dit présente, bonsoir, salut Clem. Et Angelina encore qui dit stand-up pour tout le monde. Stand-up tout le monde pour Mickaël ce soir. Merci Angelina. Allez, on va se faire. Ah oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Polo. Hein. Comme tu es malade. Oui. J'ai enfin la solution pour ceux qui n'étaient pas là à 23h. C'est parce que apparemment tu ne fais pas assez l'amour. Ah, selon... ouais. C'est une étude allemande qui, ouais. Qui le dit. Et comme quoi il n'y a pas que les Anglais hein, qui font des études bizarres. Donc faire deux fois l'amour par semaine suffirait pour se protéger de la grippe. Ah bon, et en quel honneur. Paraît-il. Bah je ne sais pas, mais en tout cas a priori. Bon. Combien de fois tu fais pas de l'amour par semaine, toi Jimmy, dis-moi. Jimmy ! Oui, je suis là. Ah, il faut que tu sois plus au taquet, Jimmy, là. Hein, pas non, parce que je capte mal. Ah oui, tu captes mal. Combien de fois tu fais l'amour par semaine, toi, à peu près? Oh, bah, actuellement, je suis célibataire, donc. Ah oui, donc c'est plutôt maigre. Attention à la grippe. Ouais, la grippe guette. Non, quand même pas. Si, la grippe. La grippe guette. C'est con parce que j'avais un conseil pour toi. Bah, t'as reçu ta meuf, là, on cule ta meuf, mais lâche-moi les couilles, bon, là. Si t'es célibataire, ça sert à rien. Attends, il y a Thomas également. Salut, Thomas. Salut. Comment ça va? Ça va nickel et vous? Ah, et que des couilles dans le standard pour l'instant. On est au top là, que des couilles. Bon, ça va bien, Thomas. Ça sent la sueur. Combien de fois tu fais l'amour par semaine, toi? Pardon? Combien de fois tu fais l'amour par semaine? Ah, ben là maintenant je suis célibataire aussi. Oh, là, que des couilles célibataire. Oh là là. Attends, il y a Pierre-André également. T'es là, Pierre-André? Ouais, je suis là. Ouais. Comment ça va? Ça va, tranquille. Bon, ben bienvenue. Combien de fois tu fais l'amour par semaine? Oh, souvent. Non, mais combien à peu près? Deux, trois fois. Deux, trois fois, donc ça va. Donc t'es tranquille pour la grippe. Et Loïc, combien de fois toi? Moi? Ouais. Ah, je suis célibataire. Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites, les gars, là? Oh, y'a que ça, là. Vous êtes mauvais, les gars. Oh, que des couilles et célibataires, hein, bon, appelez les filles hein, pour relever la moyenne. Ah, bah ouais, s'il vous plaît, appelez là, les filles. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Ils sont mauvais. Bon, non, je disais ça parce que on est tombé sur cette étude allemande, justement. Donc, Tof, tu vas pouvoir vendre ton nouveau vaccin? Mais oui. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on appelle. Dans ma grosse seringue? Bah, tu parles de grosse seringue, tu t'emballes un peu quand même. Hein. Parce que je rappelle que toutes les meufs qui sont sorties avec toi et qu'on a pu côtoyer à un moment ou à un autre, ont toutes dit que t'avais une bite plutôt formale. Ridicule, minuscule. Ouais, mais ça, c'est parce qu'elle voulait pas vous faire peur, les gars. Oui, bien sûr. Oh là là, on est impressionné par ça. Ah oui, l'allumette. Voilà. Bon. Je voulais pas que vous soyez dégoûté, c'est pas grave. Ouais, oui, t'as raison. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, on appelle. Mais vas-y, moi. Allez, on fait le premier appel maintenant, comme ça on fait ça tôt pour une fois. Si vous avez des numéros d'ailleurs à proposer à Tof, de gens encore debout là jusqu'à 2h du mat, n'hésitez pas à toph@funradio.fr. Surtout des gens qui sont peut-être un petit peu nerveux, hein. Non, moi j'aime bien les gens chaleureux. Ouais, tu parles, ouais, c'est ça. Bon allez, on y va, on appelle le premier ou la première maintenant, on y va. J'espère qu'on tombera sur une meuf tant qu'à faire. On a que des couilles dans le standard. Ce serait cool. Allez. Allô? Oui, bonsoir. C'est qui? Oui, moi c'est Tof. Et je vous appelle parce qu'en fait je voulais venir faire l'amour à votre femme deux fois par semaine. T'es enculé. Et je comprends pas monsieur, en fait c'est pour l'aider à pas attraper la grippe cet hiver. Tu sors de queue. Bah non, en fait, parce qu'en fait, je préférerais faire l'amour à votre femme, monsieur. Je vois pas le rapport. Hein. Je comprends pas, monsieur. Ah, ça m'a été le même programme que nous, j'ai l'impression. Hein, qui est sur Bean, à mon avis, là. Bon, on va le rappeler quand même. Hein, peut-être le déranger, peut-être qu'il regarde le résumé, là. Attention. Allez, hop, c'est reparti. On le rappelle. Suceur de bite. Tu es un suceur de bite. Suceur de bite. Saleté. Bah, on commence bien ce soir. Hein. Directement au taquet. Hein. Charmant. Oui, très charmant. Oui. Mais... Oui, excusez-moi monsieur, vous avez raccroché un peu vite, on n'a pas eu le temps de prendre rendez-vous. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Non mais monsieur, je vois pas le rapport. Va voir ta grosse mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bite, espèce de con. Ah, elle est en train de niquer dans un champ de pisse. Elle est en train de se faire niquer dans un champ de pisse. Oui, elle est en train de se faire niquer. Ta grosse mère est en train de se faire niquer dans un champ de bite. Dans un champ. Non mais c'est improbable, les mecs, d'où il sort. Alors c'est vrai qu'on l'a peut-être dérangé parce qu'il regardait apparemment le Lardif là sur Bean. Et s'il a raté le match et qu'il a vu que Marseille avait perdu, s'il était pour Marseille, il tire la gueule peut-être. Enfant de putain. Enfant j'adore. De putain, ta mère est en train de niquer dans un champ de bite. Grande classe quand même. Très charmant. Ah ouais ouais ouais. Je suis fan. On sait pas dans quelle région on était là. Je suis fan de nous. Vers Marseille. Hein, oui, bah, probablement. Ouais, probablement. Bon, bah voilà, au moins ça le mérite d'être clair. Hein. On aura d'autres appels tout à l'heure. Hein, donc si vous avez des gens encore à appeler, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir, hein, bien entendu. Vous nous envoyez tous les numéros de téléphone de gens encore dispo à cette heure-ci sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Voilà, en toute simplicité, bien sûr. Retour avec Loïc. Toujours là, Loïc? Ouais, je suis toujours là. Ouais. Bon, très bien, Loïc, il n'y a pas de meuf à cause du sport. Et bah du coup, forcément, il parle que de sport, il fait que du sport, donc il a un peu emmerdé et il n'arrive pas à arrêter. Et Pierre-André. Et en plus, il va choper la grippe. Et en plus, il va choper la grippe, puisqu'il fait pas l'amour assez souvent, ça qui est dommage. Et on a également Pierre-André, 23 ans du Nord. Ça va, Pierre-André? Ça va, tranquille, ouais. Bon, très bien. Dis-moi, Pierre-André, est-ce que si je te mets ça, ça te parle au niveau de l'accent? Va te faire enculer, gros bâtard. Ouais, t'as rien de plus sur moi, je crois. Gros bâtard. Allez, gros bâtard. On l'a eu hier, la meuf, elle était super cool. Hein. Oui, très charmant. Oh, très gentil, adorable. Et puis tu vois, je sais pas si vous avez ça, moi parfois ça m'arrive, tu sais, quand t'entends la voix d'une fille super belle et tout, ouais. Tu sais, parfois tu te fais des films et tout, et franchement avec une voix comme ça, moi je me suis fait un film toute la nuit, je me dis la meuf elle doit être trop bonne. Va te faire enculer, gros bâtard. Tu vois. Non mais c'est vrai. Tu entends cette voix tellement charmante. Va te faire enculer, gros bâtard. Tu fantasmes. Mais en plus moi je l'imagine tout de suite, petit porte-jartel, tu vois, enfin. Ouais, oui. Sexe, tu vois, sexe. Ouais, sexe. Exactement. Et puis et belle là, tu poitrine, dis, ouais. Hello baby. Va te faire enculer, gros bâtard. Ah c'est classe, j'adore. Mais tu es en boîte, admettons, on est en boîte. Ah ouais, c'est ça. Je rencontre une fille. Ça exactement, va, t'es en mode boîte là. Je suis en mode lover. Voilà, t'es là. Hey, oh, ça va ou quoi? Ça va? Ouais, toi. Tranquille, tranquille. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà, tu vois, c'est grande classe. Érection. Ah bah le total. Membre est dur, le membre est là, prêt. Là tu ne penses qu'à une chose, aller dans les chiottes. Ouais, elle a démonté. Et voilà. Et... non franchement, quand on a rencontré cette meuf hier, on s'est dit énorme. Et puis les papas de cul. Ouais bah si elle peut le faire tant qu'à faire, hein, c'est mieux. Bon du coup, Pierre-André, tu voulais réagir à Loïc, toi. Toi aussi t'es un fan de sport ou au contraire, t'es déjà tombé sur une meuf ou un mec peut-être, je sais pas, qui était fan de sport? Bah moi je suis fan de sport et j'ai aussi ma passion qui me prend pas mal de temps aussi, c'est mon métier en même temps donc Alors c'est quoi? Alors je suis pompier de Paris en fait. Ah t'es pompier? Ah c'est pas mal, ouais. Ça. Tu es bien gaulé. Ouais. Ouais, tout est relatif. Combien mesures-tu? Oui c'est ça. Non bah après c'est pas évident avec le boulot, comme j'habite dans le Nord, je fais pas mal d'allers-retours, le boulot me prend pas mal de temps, donc ouais c'est vrai que les filles ont un peu de mal aussi avec ça quoi. Bah oui c'est clair, mais après t'arrives quand même à faire la part des deux, non? Ah, ouais, c'est sûr. Ouais, t'arrives à fourrer ta lance de temps en temps quand même. Et évidemment. Bon. Après, je et surtout, mais... surtout en pompier, mec, comment te dire que les meufs, elles adorent l'uniforme. Ouais, c'est clair, mais on n'attire pas forcément que des meufs sérieuses aussi. C'est un peu ça le problème. Ah ouais, d'accord, mais en même temps, si t'arrives pas à les tenir longtemps, au final, c'est pas très grave. Et qui va pas se plaindre, celui-là? Ah, il va pas se plaindre non plus, là, Roger, moi qui ne consomme plus de femmes depuis des siècles. C'est ça. Alors maintenant, du coup, il a dû se rabattre sur les hommes. C'est pas un homme, c'est une fille. Non. Bah oui, il s'appelle Elle s'appelle Stéphane. Vous avez certainement compris, bien entendu. Ouais. Polo, c'est comme dans les champs, c'est triennal, hein. C'est-à-dire qu'il ne baisse que tous les 3 ans. Exactement. Exactement. Bon, Pierre-André, donc du coup, comment tu fais? Alors, t'as des conseils à donner à Loïc pour éventuellement, peut-être, je sais pas, moi, qu'il arrive peut-être un peu plus à être ouvert, à moins s'intéresser, un tout petit peu moins s'intéresser au sport, laisser une place aux meufs, je sais pas. Bah, soit il trouve une fille qui a les mêmes passions que lui, comme ça il partage en même temps. D'accord. Demain, ta mère fait quoi la dernière fois qu'elle a baisé? Non, mais c'est pas aucun rapport. Oui, voilà, par exemple. Voilà. Oui, ça aussi, mais c'est pas comme ça qu'il va arriver à la pécho, à mon avis. Hein. Mais Loïc, il aurait toutes ses chances avec Karima, avec qui t'as présenté le Starfloor. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'elle, elle kiffe le foot, hein, c'est-à-dire que. C'est vrai en plus, Loïc. Ah, en plus, je l'ai vu, elle est pas moche, hein. Ah bah, attends, on va l'appeler, attends, bouge pas, ça se trouve, tu vas peut-être avoir une meuf bien, là. Elle est plus que belle, ça va pas, elle est pas mal. Attends, c'est ce qu'on va faire. Et surtout dans sa petite combi short. C'est ça, attends, on va se mettre Asie avec Born Again, et juste après, on l'appelle, d'accord? Allô? Ouais. Ah bah, très bien, bah alors, bouge pas de là, Loïc. Voilà, bah, c'est parti, on va se mettre, comme promis, avec Asie maintenant, Born Again, 23h30, toujours au cœur d'une heure sans pub. Ouais, juste après, on se fera les ruptures. Ouais. La rupture. Oui. Le jeu de la rupture. Pour jouer, n'hésitez pas, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. C'est parce qu'on va appeler Karima que t'es perturbé? Non, pourquoi ? Non, comme ça. Ah non, non, pas du tout. Non, mais je suis contente de la voir, mais surtout qu'on va essayer de la caser avec Loïc. En plus, elle est célibataire depuis 1000 ans. Ouais. Ah, c'est l'occasion ou jamais. L'occasion ou jamais. Allez, bougez pas, il est 23h30, c'est Mickaël No Limit sur Fun. Bienvenue. C'est Fun Radio avec le son de... Et tu me fais encore une fois ça, tu vas voir comment ça va se passer. Asie avec Born Again sur Fun. Il y aura Alesso et Calvin Harris. Et ça aussi, ça va suivre dans un instant. Là, Calvin Harris, Alesso, Under Control. Et je vous cale aussi celui qui a tout défoncé samedi soir à Starfloor. C'était Red Fou. Let's get ridiculous. Voilà, ce sera tout à l'heure sur Fun Radio, donc ne bougez pas de là. Il y a Renaud qui dit aussi, femme qui rit à moitié dans son lit, demande à Toff, il doit avoir très peu d'occasion de planter sa perche. Ah oui, à mon avis. Ah oui, ça c'est faux. Ah moi je fais rire les femmes, elles sont jamais dans mon lit. C'est vrai. Et Angelina qui dit, j'ai trouvé une nouvelle insulte, va te faire englober espèce de Toff. C'est pas mal. Ouais, c'est... Et enfin le prince, c'est-à-dire qui dit, on retiendra la grande phrase de Polo ce soir, je suis fan de nous. C'est vrai. C'est pas mal aussi ça. Bon, et Romain aussi tient vite fait, qui dit, ta mère se fait niquer dans un champ de blé, oh my god, je suis dead putain, engagez-le, il est énorme. Ah oui, c'est l'appel qu'on vient de faire, il était assez exceptionnel. On va se faire dans quelques minutes le jeu de la rupture. Avant ça, Loïc. Ouais. Loïc, on va appeler Karima. On va appeler Karima qui est à mes côtés à Starfloor ce week-end. Oui, la est-ce belle vu, Karima. Est-ce que t'as vu Starfloor? J'ai regardé un peu la fin vite fait, je crois, parce que je devais sortir. Bon, t'as vu Karima? J'avais match avant. Ouais, j'ai vu, ouais. Bon, très bien, ouais. Comme toi, t'es fan de foot et elle aussi, je me suis dit qu'avec un peu de bol, il y a peut-être moyen de. Il y a peut-être moyen de moyenner, quoi. Les deux, ils soutiennent Paris. En plus. Et en plus, ils sont pour Paris tous les deux, donc tu vois. Non, vous avez trop de points communs. Pas moi, tu vois. Bah oui. Allô. Allô, Karima. Coucou. Ça va? Bah très bien. Bah, salut, beauté. Dis-moi, Karima, on t'a trouvé un mec? Qui où ça? On t'a trouvé un mec, c'est Loïc. Il arrive pas à trouver de meuf parce qu'il est fan de foot et il pense qu'il parle que de foot. Alors évidemment, notre franc est tombé. Directement, on s'est dit, bah putain, ça y est, c'est la bosse, c'est pour Karima, quoi. C'est un mec pour toi. Bah, il est où? Il est là. Tu l'as foire. Il est là, il est pas loin, il est beau, il est grand, il est fort, intelligent, il est blindé. Il veut pas me parler? Ah si, il est là, attends, Loïc, je te passe Karima. Salut Loïc. Ça va? Ça va et toi? Et t'as vu, là, une voix de bonasse. Ça va. Attends, tu veux que je prenne ma voix? Ouais, vas-y. Salut Loïc. Ça va Loïc? Ah oui, c'est vrai que ça se... Non, Toff, arrête de te branler, Toff. Oh. Faut tout de suite qu'il salope tout, lui. Hein. T'es vraiment un salopard. T'es vraiment une dégueulasserie. Enfant de putain. Bon, du coup, Loïc, je te présente Karima. Ouais. Enchanté, Loïc. Première Enchanté. Question, tu supportes quelle équipe? Le Paris Saint-Germain. Ah, pour ouais ça, Karima, elle n'aura pas la grippe. Ouais, donc ça commence pas mal là, non? Ah, c'est pas mal. Ouais, pas mal. C'est pas mal. Ouais, du coup, elle est pas mal juste pour ça, tu vois, c'est pas mal. Ouais. Comme quoi, le foot, ça rapproche. Comme quoi, ouais, oui, exactement. Ça crée des liens. Eh oui, ça crée des liens. Toutes les filles célibataires commencent à vous intéresser au foot, vous allez pécho. Ah ouais, ouais. Comme quoi Juste quoi. Karima, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ça va, toi. Bon, du coup, donc Karima. Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui filer ton adresse, comme ça il passera ce soir. Moi, je lui envoie la photo du combi short. Le combi short également, pour histoire de le mettre bien, quoi, tu vois, que le moteur arrive pas froid. Bon, après, moi, je veux bien son numéro pour garder contact, ouais, y'a pas de problème. Hein. Ah bah, bien sûr. Ouais. Bah, évidemment. Alors, ça, par contre, ça peut se moyenner. Eh hey mec, c'est une rosta, Karima, tu peux pas avoir son numéro comme ça. Je vous donne mon numéro de compte, le premier qui me fait un virement, il a le numéro de Karima. En partage, Mickaël, dans ce cas. Ah bah, bien sûr, avec plaisir, sans problème. Libre, je vous donnerai également mon adresse mail pour PayPal. Pour ceux qui ne veulent pas, y a pas de problème, y a pas de soucis, rassurez-vous, tout est possible. Tous les moyens de paiement sont acceptés. Même les tickets repas. Et je crois pas ça. Les tickets resto. Moi, je prends que les tickets resto. Très bien. Il faudra plusieurs carnets, par contre. Ah bah oui, ça c'est sûr. S'il vous plaît, je mange beaucoup. Bon, Loïc. Ouais. T'as pas été un grand dragueur. Hein. Non, mais moi, je pense que son problème, il vient plus de là. Ouais, je crois que t'es pas mon dragueur, en fait, c'est ça. Hein. Vas-y, essaye, Loïc. Bon, essaye. Ouais, mais je sais pas quoi dire, moi. Ah bah, comment ça, tu sais pas quoi dire? T'es pas un bon dragueur, mec. Comment tu dragues une fille d'habitude? Oh, t'as vu, Paris, avec il a marqué Mais non, on peut pas draguer avec le regard, mec, c'est pas ça, c'est dans... Avec le regard, au début, ça, c'est dans les films. Regarde, au début, ouais. Non, ça, c'est dans les comédies regard, romantiques début, avec Jude Law. Voilà. Le film Jude Law se drague avec le regard. Où les filles, elles pleurent à la fin parce que c'est tellement beau. Oui, c'est pas Jude Law. Hé, Loïc. Ouais. De me pose une question anodine. De quoi? Oh là là, Mickey. Pose une question comme ça. Pose une question comme ça. Allez, une question. Fais semblant d'essayer de me connaître. Voilà. La première qui te vient à l'esprit, là. T'as quel âge et tu serais prête à partir de Paris? Calme-toi, oh là mec, tu l'as tué, elle va se sauver. Tu es en train de t'engager, elle s'est fait un film, arrête tout de suite. Stop. Attends, hey. Rembobine. J'aime bien Loïc, t'as quel âge et t'es prête à quitter Paris? T'as les questions qui n'ont aucun rapport entre elles. C'est ça, ouais. T'as quel âge, t'as une voiture? Alors, c'est. Moi Je dois vraiment répondre à ça ou non. Je peux me cacher? D'accord, Tu fais comme tu veux. Ouais, c'est Karima, elle a 18 ans. Mon âge, j'ai 28 ans. Ah, 28 ans. Voilà. Ouais, je suis un peu âgée, je suis une cougar. Non, je suis une cougar. Écoute-la. Alors que c'est vrai que par rapport à Polo et moi, t'es un peu âgée. Parce que je rappelle que Polo a 22 ans et demi, moi 22. Exactement, bah oui. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai. Je suis comme votre mère. Et oui, un peu ça. C'est un peu ça. Fais-lui un ça. Compliment, espèce d'idiot de Loïc, va. De quoi? Fais-lui un compliment. En plus, tu l'as vu à la télé, là. Tu dis qu'elle est belle. Ah ouais, bah ça, par contre, ouais, ça c'est vrai. Et bah dis-lui. Très belle. Même ta voix. Hein. Ta voix va bien avec ton corps. Alors je vais dire que c'est un compliment. Oh là là, Roger le dragueur quoi. Oh là là. Roger la drague. Attends, je te mets une musique, ça va peut-être t'aider. Vas-y. Allez, vas-y Loïc, donne tout. Ouais, mais à quatre pattes. Oh Loïc, je peux rien faire pour toi, mec. C'est sympa, Loïc. Et en plus, t'es sur une bonne cliente qui essaye de te sortir de la merde. Elle est gentille. Ouais, mais c'est plus facile de parler en face. Mais non, et en face t'aurais rien dit de plus. Loïc, t'es pas mauvais, t'es très mauvais. En fait c'est pas le sport, ton problème c'est que tu es mauvais. Voilà, exactement. D'ailleurs, Tof va lever la jambe. C'est tout ce que tu as mérité dans de toute façon. Gueule. Bon, eh bah écoute, tant pis. Bon bah Loïc, on aura essayé de t'aider. On aura essayé et bah du coup bah. T'as moi de la célibataire. Ah bah du coup, et bah tu veux toujours pas de Tof. Tof et moi, on va travailler sur la longueur, je crois. Ah ouais. C'est sur le long terme. Non, Tof et elle, c'est platonique. Voilà, mais bien soudés, hein, bien. On bien. Est comme des frères et sœurs. Voilà. Exactement. Tu sais les filles qui disent ça. Mais je voulais qu'on reste amis. Non, mais de toute façon, on le sait tous, Tof est gentil. Ouais. Voilà. Et je pense que tout est dit à ce niveau-là. Cet enfant. Oh. Bon, bah Karima, merci beaucoup. Hein. Bah écoutez, je vous embrasse. Bonne J'aurais essayé. Soirée. Bisous. Loïc. La prochaine fois que j'ai un mec pour toi, je te rappelle. T'inquiète, je suis dispo. Enfin, écoute, j'en ai bien, mais tu le veux pas, donc. Je te sucerais le sang et tout, tu vois. Ouais. J'ai un petit peu peur, j'avoue. Bah oui. Oh, arrête de me demander. Oh là là là. Là, il me dégoûte. Bah. Ah, carrément. Oh, tu aimes le sperme. Oh. Ouais, là, je me sens pas bien, je vais raccrocher. Gilou. Bon, salut Karima, gros bisous. Hein. Bisous tout le monde. Et bonne nuit, hein, la petite femme. Ouais, bon, Loïc, t'as été mauvais, bouge pas, on va revenir avec toi. On va prendre Karine également dans quelques minutes qui voulait réagir à toi, justement, Loïc. On aura Jimmy avec la on va la rappeler dans quelques minutes et puis bah, Anthony et Damien pour jouer au jeu de la rupture. D'habitude on fait ça maintenant, on fera ça juste après la pub, ne bougez pas bien. Je vous avais promis le son d'Alesso avec Calvin Harris, Under Control. C'est ce qui va arriver sur Fun Radio dans quelques minutes, là, 23h41, c'est Mickaël No Limit. On est là tous les soirs, 23h, 2h du mat sur Fun, et puis le dimanche soir, de 20h à minuit. Et je vous balance encore une fois la colle pour la PlayStation 4 à gagner dans quelques minutes. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Comme ta gueule, les trollards. No Limit. Sur Fun Radio. Et on est toujours en direct dans toute la France sur Fun Radio avec bah, un mec qu'on a essayé de trouver pour Karima dans le VinFun. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave, on essaiera. Elle vient d'envoyer un tweet d'ailleurs en disant que c'était pas gagné. Mais oui, mais il est trop difficile. Hein. Qu'est-ce que je vous dise moi aussi? Bah oui. Bon, bah, venez nous rejoindre également hein, puisqu'on en parle de Twitter là. Vous tapez Mickaël underscore officiel. Underscore, c'est le petit tiret en bas. Mickaël underscore officiel. Vous balancez, vous m'ajoutez et moi je vous ajouterai également. On se suivra mutuellement comme ça. Plein de messages qui arrivent également sur le Facebook, notamment par rapport à la colle de Jimmy. On va en reparler dans quelques minutes. Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, et bah vous envoyez tout simplement M-I-K-L, je vais y arriver, espace la réponse au 64 900 par SMS ou sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/M-I-K-L officiel. C'est la nuit sans pub sur Fun Radio jusqu'à l'arrivée de Bruno dans la radio tout à l'heure à partir de 6h du mat sur Fun Radio. Et on écoute Alesso et Calvin Harris. C'est Under Control maintenant sur Fun. Bonne nuit tout le monde. I might be under control. C'est Fun Radio avec le son d'Alesso et Calvin Harris, c'était Under Control. Il y a Juliette qui dit tu es très beau, mais je sais pas de qui elle parle. Elle Juliette. Parle de moi. Mais si c'est de moi, merci. Si c'est de Polo, ben merci pour lui. C'est pas possible. Donc. Il y a Saës aussi qui dit dans mon lit en train d'écouter Fun, Mickaël sur mon téléphone. Merci Saës. Et alors je voulais passer un coup de gueule contre Apple, ces connards là. Ça fait 3 fois qu'ils refusent l'application quand même. C'est pas chaque vrai. Chaque fois pour une raison de merde. Ils sont casse-couilles. Oh là là. Scandaleux. Donc qu'est-ce qu'il leur arrive encore? Bah je sais pas. c'est encore un truc. Oui, c'est Ucunès, comme dirait Jean-Pierre Sauzère. Il y a Thibaut qui dit, est-ce qu'il y a un truc du genre les 10 premiers reçoivent la PS4? Non, en fait, pas du tout, Thibaut. Il y a Giusto, Vincenzo, pardon, qui dit, moi aussi, j'ai des soucis avec le sport et ma copine, le sport électronique. Et Mariolo aussi, Karima est trop gentille et trop difficile surtout. Et Daniel qui dit, salut Mickaël, dis à ton gars que pour le sport, qu'il fasse du sport en chambre. De plus, bon pour la grippe, c'est Daniel le routier 21, du 21. Ah ouais, c'est vrai ça. Et Jean-Simon qui dit, merci Mickaël pour tout ce soir à la radio, tu nous fais rire et passer un bon moment. Avec plaisir, bah, en même temps, sans vous, on ferait pas. Donc merci à vous également d'être là tous les soirs, bien entendu. Et ce, de plus en plus nombreux. Je rappelle le chiffre de notre dernier bulletin la semaine dernière, 589 000, c'est le nombre de personnes qui nous écoutent le soir. Donc merci beaucoup. Ben oui. Et d'ailleurs, je rappelle que nous visons le million. Oui, nous pour visons le prochain. Nous visons plus parce que je sais que vous pouvez faire mieux, bien sûr. Ouais. Donc j'attends que vous passiez encore plus le message à vos potes, etc., etc. N'hésitez pas tous les soirs. C'est sur Fun Radio que ça se passe, de 23h à 2h du mat et le dimanche de 20h à minuit. Bon, je compte sur vous. On va se refaire un petit coup la colle vite fait là avec notre ami Jimmy. Toujours là, Jimmy? Oui, toujours là. Très bien. Allez, hop, on remet le couvert avec la colle. Je rappelle qu'il y a une PlayStation 4 à gagner. Ce sera à minuit 30. On tirera au sort l'un d'entre vous qui a envoyé la réponse. S'il passe à l'antenne et qu'il donne la bonne réponse, il gagne, tu perds. Si personne ne passe à l'antenne parce que ça décroche pas comme hier soir ou parce que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagneras, Jimmy. Fais péter la colle. Alors, sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je? Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je? Voilà, il faut envoyer M-I-K-L et votre réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et même sur le Facebook, ça marche également. Facebook.com/M-I-K-L officiel. Voilà. Bon, il y a Jimmy qui proposait un Napoléon. Non. Non, il y a Jack qui proposait François Hollande. Non plus. Non plus. Il y a Lucky aussi qui dit ce serait pas le soldat inconnu. Ah, c'est Kevin du 01. Non. Non, Boris qui proposait Charles de Gaulle. Appelle-moi, tu verras, ma réponse est dure. Non plus, non, c'est bah non, Charles de Gaulle. Bah, bah, en plus, ouais. Saïd qui dit, c'est le Z de Paris, sans lui, on va... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Saïd? Non, c'est pas ça. La prise de la Bastille. Non plus. Non, il y a Jason qui dit, le lance-flamme. Non, non. Bon, bah voilà, donc c'est pas la bonne réponse. Donc si vous les avez les bonnes réponses, bah allez-y, vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique, sans oublier Facebook, facebook.com/M-I-K-L officiel. La PlayStation 4 a gagné ce soir si vous avez la bonne réponse. Sans moi, Paris serait pris. Bonne chance, Jimmy, on te récupère et on donne la réponse avant minuit 30. Tu bouges pas, d'accord? Ok, je bouge pas tout à l'heure. Parfait, ne bouge pas de là. Et avant de récupérer notre ami Loïc, qui a pas de meuf à cause du sport, avant de récupérer Thomas, Karine qui voulait passer, nous allons enfin faire le jeu maintenant, le jeu de la rupture. Vous êtes là, Anthony et Damien? Ouais. Ça va bien, les gars? Salut. Bon, en forme. Anthony, t'appelles de Tours. Damien, t'appelles de Haute-Garonne. De Toulouse, ouais. De Toulouse, ouais, c'est ça, ouais. Et on va jouer ensemble. Le principe est très simple. On va donc appeler des gens au hasard. Ça peut être des vieux, ça peut être des jeunes, ça peut être madame, ça peut être monsieur. On ne sait pas du tout. Le but, faire mieux que l'autre, puisque vous êtes deux à vous affronter. Vous allez devoir appeler donc ces gens et avoir une discussion de rupture. Donc ne dites pas, je vous appelle parce qu'il y a une rupture. Ça ne veut rien dire, hein. On est bien d'accord, hein. Je sais. Voilà, donc il faut appeler comme si vous appeliez votre copain ou votre copine en disant, écoute, ça va pas, ça va plus, ça peut plus durer entre nous. Avec un connard. Voilà, etc, etc. Bah, en fait, c'est comme si on connaissait la personne. Comme si c'était votre mec ou votre meuf, en toute simplicité. D'accord. Celui qui va tenir le plus longtemps avant de se faire accrocher au nez, il y aura deux manches. Celui qui tiendra le plus longtemps repartira avec la montre Sony Smartwatch 2, qui est ultra connectée au téléphone portable, les notifications Facebook, Twitter, Instagram, les SMS, tout. Le bordel, tout est prévu, tout fonctionne avec la montre. Ça vaut 200 boules et je vous l'offre ce soir. Ouais. D'accord, bah c'est cool. Bon, qui commence? Le premier. Tu veux commencer, Damien? Pardon? Non, l'autre personne. L'autre personne, eh ben ça va, on va commencer par toi alors, Damien. C'est parti, on va y aller. D'accord. Allez, bonne chance, Damien. On appelle le premier, t'es prêt? D'accord. Bon, dès que t'entends plus la musique en dessous de toi là, c'est que tu dois dire allô, ce sera à toi, c'est que quelqu'un a décroché. On y va, D'accord. Bonne chance. Allez, on croit en toi. Faut pas pleurer, Damien, c'est pas grave. Mais si, c'est la rupture. Ah oui, c'est vrai. Il se prépare. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? C'est qui? C'est Damien toi. Quoi? C'est Damien toi. C'est qui? Qu'est-ce qu'il Je vais donner de parler, l'urgence. Ouais, mais gagne du temps comme ça. C'est... Vous êtes qui? Un ami à toi. À Pierre qui? Je suis un ami à toi. Et je vais te parler parce que j'ai très confiance en toi. Non, mais vous êtes qui? Je suis un ami à toi. Mais non, vous n'êtes pas... Mais je vous connais pas. Je vais vous dire, tout est fini. Je me casse. Tout est fini, vraiment tout est fini. Mais vous êtes qui? Dites-moi qui vous êtes. Il est pas mal finalement. Je ne croyais pas, mais... Tout est fini. Tu m'as trompé. Tout est fini, vraiment. Mais vous faites une erreur de téléphone, là. Vous appelez qui? Vous cherchez qui, là? Je comprends pas ce que vous dites, je ne comprends pas. Ah bah nous non plus, hein. Je vous ai te parler. Quoi? Je vous ai te parler. Non, mais oui, mais à qui vous voulez parler? C'est horrible. À toi. Mais vous me connaissez? Oui, je vous connais. Mais vous me connaissez d'où? Comment vous me connaissez? Franchement, tout est fini. Hop, 1 minute 28, eh, pas mal. Ouais. Pas mal. J'y croyais pas, Damien, quand t'as commencé à faire cette voix horrible, je me dis l'autre, elle va raccrocher direct, mais en fait, pas du tout. Bravo, Damien. Merci. Eh, 1 minute 28, c'était bien. Eh, la barre est haute, Anthony, hein. Ah, mec, là, c'est chaud. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ah ouais, la barre est très, très, très haute. Ouais. Bon, eh ben, écoute, c'est pas grave, hein. C'est pas perdu pour autant, je rappelle que le record était de 5 minutes, si mes souvenirs sont bons, hein. Ce qui était pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est possible. Bon, on va appeler Anthony à ton tour maintenant. Si tu fais mieux qu'une minute 28, bah c'est mieux pour gagner. Hein, même s'il y a deux manches, évidemment, on prendra le meilleur score des deux appels. On y va, on appelle. Bonne chance Anthony. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, c'est que tu vas dire allô, c'est à toi. Et on fera d'autres appels avec toi dans quelques minutes. On aura aussi le teubé de la télé dans quelques instants. Allô. Ah, ça a bien décroché quand même. Bon, je crois qu'on va appeler un deuxième. Bon, j'appelle un autre, on l'appelle un autre, Anthony là. D'accord. Tiens-toi prêt. Allez. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, mon père. Oui, tu m'entends, mon ange? Mais vous êtes qui? Ben, c'est moi, c'est ton mec. Ouais, mais non, mais tu t'es trompé là. Non, j'ai fait le bon numéro, hein. Y a pas. Non, non, c'est pas le bon numéro, non. Si. Bah non, je te connais pas, il est minuit et t'appelles chez moi, quoi. Bah oui, bah c'est parce que j'avais quelque chose d'hyper important à te dire, en fait. Mais on se connaît pas, voilà. On se connaît pas, t'as quelque chose d'hyper important à se dire, mais on se connaît pas, je sais pas qui tu es. Ah bah si, on se connaît, on s'est vu pas plus tard qu'hier, pourtant. Mais t'es qui? Bah, c'est moi, c'est Don, ton mec. Tu me reconnais pas? Non, mais t'as un problème, hein. Franchement, rappelle pas chez moi. Ah bah, non, j'ai pas de problème, non, mais écoute, parce que... Mais j'ai pas rien à me dire, là, on se connaît pas, donc rappelle pas, il est minuit, j'ai pas envie que tu rappelles chez moi, on ne se connaît pas, t'as compris? Bah écoute au moins ce que j'avais à te dire, parce que... Mais moi, je m'en fous de ce que t'as à me dire, on se connaît pas, donc rappelle pas. 1 minute 5, hein. Ah ouais, alors on se connaît pas, bah écoute, moi, tu sais quoi? Tu veux pas qu'on se connaisse, moi je te dis c'est fini entre nous et puis voilà, si tu veux jouer à ça, okay, on va jouer okay, à ça, y a pas de problème. Mais on se connaît même pas, donc j'en ai rien à faire. Bah là tu joues les innocentes, oh, putain, t'es débile, t'as un problème ou quoi, c'est qui? Rappelle-moi, il est minuit, d'accord, tu rappelles pas. Je ne te connais pas. Il est pas encore minuit, il est 23h59. 1h28, on joue pas sur les minutes, tu rappelles pas chez moi, c'est clair. Je croyais pas, vu comment elle gueule. Bah écoute, tu veux jouer à ça. Une minute 34, ma gueule. Génial. T'as battu Damien, mec. Ah ouais, putain, j'y croyais pas. Ah ouais, mais moi non plus, hein, parce que vu comment elle commençait à gueuler la meuf, je me dis putain, c'est pas gagné d'avance, hein. Bon, bah, 1 minute 34, bravo. Damien, il y a une deuxième manche, t'inquiète pas, hein. Tu vas tenter de battre le record, hein, de faire mieux qu'une minute 34. D'accord. Si tu y arrives et qu'Anthony fait pas mieux, et ben c'est toi qui gagne, d'accord? D'accord. Bon, vous restez tous les deux là. On va se mettre d'abord. Qu'est-ce qu'on va se mettre d'ailleurs comme son là dans quelques minutes? Dobbs. Ouais. Pas mal ça. Bah bah bah boum, bah bim, bah bam. La prochaine fois que tu imites Dobbs, tu vas prendre cher, Polo. Ah bon? Parce que dub, ça fait pas pa ba ba boum ba bim ba bam, tu vois ce que je veux dire. Non, je t'assure, ça va pas du tout. Je t'assure. Bon, on va se le mettre dans quelques minutes, donc restez bien avec nous. On fera encore quelques appels avec Toff également. Et puis, alors, je sais pas si vous avez vu sur une chaîne que vous devez regarder, c'est ID1. Hein. Il y a les animatrices qui vont vexer une candidate, écoutez. Ariel. Comme la petite sirène. Vous nous appelez d'où? Du fond de l'océan. De banlieue parisienne. D'accord. Vous êtes en couple avec Sébastien. Mais non, c'est Eric. Mais non. C'est le prince Eric. C'est le crabe rouge. C'est pas drôle. Oui, mais moi, c'est Polo Chou. Sous l'océan. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, excusez-nous, Ariel. Non, mais c'est Isabelle, elle me déconcentre. Vous voulez jouer avec nous à un jeu? Non, je veux plus. Oh, j'adore. Ah, la plus envie, bah tu m'étonnes, le dis toute sa gueule pendant deux heures là. Et puis dans Slam également, on refait l'orthographe des mots, tout simplement. Question de culture générale, quelle est l'initiale du nom du département dont Perpignan est le chef-lieu? Camille encore. H. Non. Frédéric. Le P. Vous pensez à quoi avec le H, Camille? Le Pyrénées-Oriental. Oui, Oriental avec un H, bien sûr, évidemment. Et enfin, dans Confessions intimes, mon émission préférée, on découvre une nouvelle expression magnifique. Vraiment. Et sera lui. Vraiment n'importe quoi. Et lui, c'est Johnny. Ouais, c'est Johnny, mais il n'y en a rien à foutre de toi, Johnny. Et ça, tu n'en sais pas. Et ça, tu n'en sais pas. Exactement, ça, bon, tu n'en sais pas. Et c'est le principal. Oui, mais c'est vrai, elle n'en sait pas. Elle n'en sait pas. Pourquoi elle a ouvert sa gueule alors qu'elle n'en sait pas? Elle n'en sait pas, c'est... Ouais. Je comprends pas. C'est vraiment, c'est pour faire du mal gratuitement, quoi. C'est ça. Voilà, elle n'en sait pas, je ne comprends pas. Bon, on s'écoute le son de Dubs maintenant sur Fun Radio avec Tsunami. La deuxième manche avec Damien et Anthony. Pour l'instant, c'est Anthony qui gagne avec 1 minute 34. Ouais, c'est ça. 1 minute 34 contre 1 minute 28. On va faire mieux peut-être dans un instant avec le jeu de la rupture juste après Dubs et Tsunami sur Fun. Le son de Dubs à l'instant sur Fun Radio avec Tsunami. Il est minuit 5, on est en direct sur Fun, hein, comme tous les soirs et comme toutes les nuits jusqu'à 2h du mat. Bienvenue à tout le monde. On est au cœur de la nuit sans pub maintenant sur Fun Radio. Donc on est au mode à la cool, hein, mode pépère là. Et puis les vos poils de cul. Voilà, exactement. On est bien, on est ensemble, on est à la cool. Il y a Aubry qui dit salut les gens, vous cartonnez, déchirez tout. Continuez comme ça, je vous écoute tous les jours, même au boulot et le soir aussi. Que de bons délires. Bonne soirée à vous tous. Merci Aubry, bienvenue. GTR également qui dit Polo n'imite plus jamais Dubs, s'il te plaît. Bah, c'est ce que je lui ai dit. Il y a Julien également, Kinkin, qui dit Mickaël en top tweet déjà ce soir. Ah bon, j'ai pas vu. Bah, merci en tout cas. Angelina qui dit je suis pour Damien et sa voix de merde. Allez Damien. Et le follower des follow qui dit 1:28. Ah oui, 1 minute 28, c'est haut. Bah oui, c'est haut, mais il a fait 1:34 quand même. Hein. Et Stéphanie qui dit oh putain, je meurs, les plus mauvais acteurs du monde. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Exactement. Et encore Julien qui dit le gars, on comprend rien, mais il tient l'enfoiré quand même. Et Sarah qui dit le plus beau ça reste Mickaël, mais je dirais que Polo ça passe. Oh, c'est gentil. Oh, c'est pas mal. Et Renaud, femme qui rit, ah non, ça j'avais déjà dit, autant pour moi. Et Paul PC28 qui dit enfant de putain. Ah oui, ça c'était par rapport à Toff, mais ce n'est pas contre lui directement. C'est l'appel qu'on avait fait tout à l'heure où il est tombé sur un mec qui était plutôt plutôt énervé, hein, on peut dire ça comme ça, puisqu'il s'était un peu emballé. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Voilà, j'adore. Il lui avait même dit ça. Va voir ta grosse mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bite, espèce de con. Putain. Tu sors de queue. Oh là là, il était bon, il était pas bon, il était juste énormissime. Tu sors de queue. Ah oui. Va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Ah ouais, vraiment là, c'est les nouveaux amis que nous avons rencontrés tout à l'heure, c'est parfait. Bon, avant de récupérer Loïc avec son problème de meuf là à cause du sport, on va quand même terminer hein, avec Anthony et Damien pour le jeu de la rupture. Ouais. Vous êtes toujours là? Ouais, ouais. Retournement de situation donc, puisque bah, Damien avait commencé avec 1 minute 28, ce qui était quand même un beau score. Anthony a surclassé Damien directement en faisant 1 minute 34. Donc Anthony, on va rejouer avec toi maintenant. Si d'accord. Tu fais moins d'une minute 34, on gardera 1 minute 34 comme référence. Hein. Si jamais tu fais d'accord. Plus, eh ben, on gardera le meilleur des deux scores. Évidemment, pareil pour okay. Damien, d'accord? Ouais. Bon, allez, on y va. Damien, reste là, concentre-toi. Anthony, on rappelle, c'est parti. Le but, rester le plus longtemps possible avec une meuf ou avec un mec, peu importe, avec la personne qu'on appelle en mode rupture. C'est parti. Et dès que la musique s'arrête, tu peux y aller. Ouais. Oui, allô ? Oui, tu m'entends ? Mais attendez, vous vous trompez, ça fait la deuxième fois que vous appelez à la maison. Non, du tout, non, bah non, c'est moi. C'est moi mon cœur. Comment C'est moi. Mais vous qui? Écoutez, je vous connais pas. Bah écoute ma chérie, c'est moi, tu me reconnais pas, c'est bizarre quand même. Bah non. Écoute, je voulais, enfin je t'appelais là parce que j'avais quelque chose d'important à dire et... Wow. Et elle t'a raccroché la gueule, 30 secondes. Ouais, parce que j'ai... Eh ouais, trop d'hésitation, trop d'hésitation, Tony. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pas laisser la possibilité aux gens de répondre, en fait. Faut enquiller. Mais bon, on rappelle, Damien, cette fois-ci. Ouais. On gardera 1 minute 34. Si tu fais mieux d'une minute 34, Damien, c'est gagné. Sinon, c'est perdu. Ok? D'accord. Et c'est toujours la montre Sony Smartwatch 2 qu'on vous offre toute la semaine, qui vaut quand même 200 boules. Allez, c'est parti. On y va. On appelle. Bonne chance, Damien. Bonne chance. Merci. Bon, j'espère que tu vas pas pleurer de nouveau, hein, parce que ça nous a cassé les oreilles. Je te le cache pas. Allez, c'est parti. 1 minute 34. Score à battre. Allez. Ah si, il va pleurer, oh putain. Il pleure déjà d'ailleurs. Ouais, mais il se met dans le personnage. Bon, il y a personne, c'est pas grave, on appelle un autre. Ne bouge pas de là, Damien. Dernier appel, croisons les doigts. Et puis le retour de Loïc et de Karine également. C'est toujours celui-là qui casse-couille, ouais, hein, c'est le dernier. C'est toujours le dernier, ils font chier. Bon, je pense qu'on va appeler un autre encore. Hop, on achète encore avec un autre. Oh Damien, tu nous portes la poisse là. Normal. Allez. Normal, dit-il. Bah oui. Tous les numéros que j'ai pris, il faut des canulars. Allô. Bonjour. Monsieur. C'est un mec, c'est chaud. Allô, bonjour monsieur. Oui, pardon. Dis pas monsieur, c'est ton mec. C'est un ami à toi, à l'appareil, qui veut te parler, parce que je ne sens pas bien. Pardon. Qu'est-ce qu'il raconte là? Allô, bonjour. Allô. On dirait le méchant loup dans le Chaperon Rouge. Je ne sens pas bien, j'ai envie de parler avec toi. Mais qui est-ce? C'est un ami à toi. Et c'est qui un ami à moi? Tu l'as rencontré à tout, mais je pense à Capitole. Attendez, pardon, je vous entends pas. Allô? Allô, c'est un ami à toi, peut pas rencontrer à Capitole. Attendez, j'entends rien. Allô? Allô? Oui. Bonjour, c'est un ami à toi qui vient avec le Capitole. Vous avez dû rencontrer, je pense. Attendez, excusez-moi, je vous comprends pas du tout. J'espère qu'il va pas faire mieux qu'une minute 34 parce que ça compte pas. Hein. On s'est rencontrés. Parce qu'il n'y a pas de rupture là. Il n'y a pas de rupture. Je dois seulement te parler car j'ai pris confiance en toi. Attendez, je vous comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est le Capitole ou ça. À Toulouse. Le Capitole à Toulouse. Mais je vous avais tout parlé. Ne pouvez pas l'urgencement. C'est l'urgence. Attendez, je comprends pas. Expliquez-moi, qui êtes-vous? C'est un ami à toi. Tu me reconnais pas? Non. J'ai envie de te parler. Ah, il a raccroché. Ah là là. Eh, Damien! Ouais. Bon, déjà, t'as fait moins d'une minute 34, donc ça s'est fait. Et quand bien même t'aurais fait plus d'une minute 34, Damien, c'est pas une conversation de rupture, là? Tu nous as fait quoi, là? C'est un ami à toi, on s'est vu, blablabla. Au Capitole. Qu'est-ce que t'as fait, là, Damien? J'avoue, ouais. T'as fait n'importe quoi, Damien. Gros tort. Tu étais très mauvais. De toute façon, pas de regret, puisque t'as fait moins d'une minute 34, donc Anthony... Ouais. C'est gagné. Anthony, ah hein. Bah voilà, ah bah tu m'étonnes, un cadeau à 200 boules, ça fait plaisir, hein, comment t'as dit? Ah bah ouais. Bon, eh bah bravo Anthony, la montre Sony Smartwatch 2, on va te l'offrir ce soir. Tu vas repartir avec, tu vas pouvoir te la ramener, ça va être la folie totale. Et puis tu vas pouvoir la connecter surtout à ton téléphone, donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est offert par Fun Radio et Mobile Fun. Voilà, merci à toi en tout cas d'avoir joué. Gentil. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Ok, bah je peux faire une petite dédicace. Allez, vas-y toujours, à une seule personne, choisis la bonne. Ok, bah grosse dédicace à vous. Parce que vous super. C'est gentil. Oh, tu sors de queue. Ah bah oui. Tu sors de queue. Ah oui, ça oui, ça oui. Bon, salut Anthony. A bientôt Anthony. Ok. Ciao à toi. Damien, bah tu repars les mains vides, mais c'est pas grave. Attendez. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais faire une dédicace. Bon, bah vas-y, à qui? À une seule personne. Ah, je fais une dédicace à Sylvain. Ah bah très bien, eh bah le message est passé Damien. Je veux vous parler d'un truc là. Oui, dis-moi. Je souhaite à Toff de bon canular. Ah bah merci. Oui, bah, écoute, on espère aussi et surtout pas de numéro que j'ai déjà utilisé par contre. Oui, ça par contre, ça arrive. Parfois, vous envoyez des numéros en double, en triple, en quadruple exemplaire. Donc parfois, on tombe dessus. Mais bon, ça après. Le principal, c'est de tomber sur des gens comme ça. Va voir ta grosse mère. Elle est en train de se faire niquer dans un champ de bites, espèce de con. Voilà. Bah oui, je sais, ça, c'est déjà arrivé qu'on l'appelle, quelqu'un deux fois, mais bon, bah ça arrive. Bah Damien, en tout cas, merci à toi d'être passé. Tu retournes chez Sandro, standard, on va te filer un pack fun, donc ne bouge pas de là. Et puis on va récupérer Loïc également, toujours là Loïc ? Toujours. Bon bah très bien, avant de faire des appels encore avec Toff, on va encore faire un petit appel dans une ou deux minutes là. Mais quand tu veux, moi je suis prêt. On va d'abord se mettre Red Fou avec Let's Get Ridiculous, et puis on va surtout d'abord récupérer... Oui Loïc. Ouais, tant que je suis au téléphone, je peux donner la réponse de la conne au standard. Oh putain. Bah non Loïc. Et Karine, et dis donc. Ah, j'ai entendu, merde. Bah oui, quand t'entends, tu crois. Ah, putain, tu crois qu'on l'a pas entendu là. Bon, Loïc. Ouais. Non, parce que il faut jouer soit par SMS, soit sur le Facebook. Ouais. Tu crois pas que tu vas. Gratteur, ce mec, tu crois pas que tu vas court-circuiter tout le monde comme ça, hein. Tu t'es cru où là, hein? Bah j'essaie, hein. Ah bah t'essayes mais t'as raté. Voilà. Bon Karine, comment ça va Karine? Eh bah très bien. Très bien Karine. Magnifique, excuse-moi Mickaël, magnifique la prestation à Starfleur. Oh je te remercie Karine, t'étais là? Je t'en prie. Bah non j'étais pas là mais j'ai regardé et voilà. Et elle s'est caressée devant son téléviseur. C'est ça exactement, je me faisais que dire avec Mickaël. Mais oui, c'est gentil. Moi-même j'ai regardé sur le replay de W9, j'ai une érection. Moi aussi. En me voyant à travers le poste. En me voyant moi-même. Non, je plaisante bien sûr. Bon, Karine, alors t'es déjà tombée aussi toi sur des mecs comme Loïc qui étaient fanatiques du sport et du coup qui te laissaient un peu de côté? Oui, enfin non, mais après fanatique du sport, il y a pas de souci, tu vois, mais sauf que, enfin, j'ai entendu Karima tout à l'heure, mais enfin, c'est juste une catastrophe. Ah oui, c'est pas possible. Bon, hein. Non, mais il bégaye, enfin, il sait pas quoi dire, mais sauf que, je sais pas, quand tu veux parler de sport, bah, t'enchaînes sur ton PSG, ton machin, ton truc, et puis voilà, la discussion est partie, mais là, on savait pas, enfin. Il pataugeait dans la semoule, en fait, c'est moche. Ah, c'est plus que dans la semoule, il pataugeait dans le caca. C'est dans la merde, ouais. Non, attends, voilà, tu vois, finalement. Hein. Oh, les salauds. Les grands esprits se rencontrent. Oui. Mais, exactement. Il était complètement dans la merde totale. Ah, Loïc, t'as pas été mauvais, tu as été très mauvais. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ah, j'étais catastrophique. Ah, au moins, tu t'en rends compte, c'est déjà ça de prix, hein, tu me diras. Mais mais il faut que tu fasses mieux, là, Loïc. Je sais pas, moi. Non, mais enfin, voilà, tu vois, il y a des pompiers et tout. Enfin, toi, moi aussi, je suis une grande fan de sport. T'aimes quoi comme sport, toi? Ah bah moi à la base c'est foot et tennis. Oh mais quelle horreur. Toi aussi t'es pour quelle équipe en foot? Mais vous allez me détester. Bah non dis-nous. Bah pour Marseille. Oh catastrophe. Il y a pas de soucis. Regarde on avait même appelé un jour un mec comme ça. Oh pédé de Parisien. Ouais voilà. Oh catastrophe. Eh oui. Bon mais en même temps t'es de Paris Karine? Oui, j'habite la région parisienne, mais c'est vrai que mon club de cœur, c'est Marseille. Ah, mais non, pas ni comment, non. Ouais. D'accord. Mais si tu habites la région parisienne, combien mesures-tu? Oh. Attends, je mesure 1m60. Combien pèses-tu? Je pèse 46 kilos. Il est ton tour de poitrine. C'est bon, vous êtes un petit connard. 85D. D comme Denise? Non, B comme bébé. Ah, d'accord, ok, très bien. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Vous êtes un petit connard. 34. Ah oui. Bah écoute si tu veux on peut refaire un Paris-Marseille hein tu feras Marseille et je fais Paris, je mettrai des buts. Oui non mais je te rappelle que j'habite à région parisienne. Donc si tu veux moi je peux venir dans vos studios quand tu veux la semaine prochaine. Avec plaisir et je te mettrai des buts dans l'arrière-boutique. Oh la grande gueule, Ah merde j'ai oublié la musique. De queue. Ah oui, c'est vrai, c'était pour toi, oui, ça, bien entendu. Bah, évidemment. Non, mais cela dit, tu passes quand tu veux, Karina, il n'y a pas de problème. Sauf si tu as peur de Toff, ou alors si tu peux lui mettre une patate de ma part. Ah non, mais attends, mais pour de vrai. Attends, on prend les paris, on se fixe un jour et je viens la semaine prochaine. Oui, mais tu peux me venir ce soir si tu veux, nous, il n'y a pas de problème, tu sais. Non, alors ce soir, malheureusement, je ne peux pas. Ah bah la grande gueule. Ah bah voilà. Du haut de 1m60. Ne me provoquez pas. Ah, c'est pas le genre de la maison. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Non, sérieusement, il n'y a pas de problème. Tout le monde est le bienvenu. Tu viens quand tu veux, Karine. Il n'y a pas de problème. Et ce qui est beau, Karine, tu vas voir comment Toff a une grande gueule. Il n'a rien faire. Il n'est tout chaud. Oh, mais j'ai cru comprendre à travers ce que j'écoute. Mais est-ce que tu as déjà vu Toff en vrai? Disons que je l'ai entreaperçu, on va dire. Ah bon? Où ça? Oh, c'était l'année dernière, quelque part. l'année dernière quelque part. Je suis toutoui, Karine. Tu es toutoui? Non, oui. Je vais garder les secrets. Ah non, toi. Sinon je t'invite pas, Karine. Allez, vas-y, je t'offre un cadeau. Tu es banni à vie. Bah écoute, c'est tout simplement, c'est que je sais que l'année dernière vous venez d'un autre pays, vous avez fait une émission à Disney, il s'avère que j'étais là. Est-ce que tu as couché et avec que je vous ai croisé, voilà, c'est pour ça que je te dis que j'ai entreaperçu Toff à Disney. Mais est-ce que tu as couché avec lui? Ah bah non, oh, voyez. Merde, déception totale. Je cherchais enfin un témoin, enfin une témoin en l'occurrence, du fait qu'il ait une petite bite. Mais j'essaie de trouver quelqu'un. Mais si tu veux, on pourra vérifier ça la semaine prochaine quand je viendrai. Eh bien écoute, pas de problème. Pas de problème. Ah mais non mais je vous jure, on prend les paris. Ouais, ouais, bah pas de problème, mais si tu le dessapes à la radio. Hein. Ah bah y'a pas de soucis. Est-ce que tu as du mal à accéder les boules? Bah oui, bien sûr. Ah bah si tu veux. Ah bah avec plaisir, pas les miennes, hein, parce que j'ai pas de... J'ai pas de... Enfin, il a pas de boules, oui. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Bon, et bah Karine, et bah rencard la semaine prochaine alors. Eh ben ça marche avec plaisir. Pas de soucis, salut à toi, gros bisous. Bisous. Ciao, bye bye. Il y a également Youssef, salut Youssef. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va, tranquille Youssef. Tu voulais réagir aussi à Loïc toi? Bah ouais, franchement il y a un surpoids vraiment. Ah non, il est mauvais. Hein. Ah bah il est pas mauvais, il est surmauvais. Il a pas de couilles, hein, franchement, Mec, complètement. Il a tout détruit là. Ah Loïc? Ouais, ouais. Ah ouais, mec, ouais, qu'est-ce que je te dise? Toi aussi, t'es fan d'un sport, Youssef, ou pas, toi? Tu sais même pas tâter une fille ou quoi, toi? Bah ouais, t'es fan de sport aussi, ou pas, toi? Non, t'inquiète pas, je suis fan de sport de chambre. Ah, bah oui, mais t'as bien raison, c'est le mieux. Mais oui, c'est le meilleur sport, évidemment. Attends, parce qu'il y avait Samia aussi qui est avec nous de Rouen, là. Salut, Samia. Salut. Comment ça va, Samia? Bah ça va, tranquille. Bon, bah tant mieux, alors. Bon, Samia. Oui. Tu voulais réagir toi par rapport à Loïc aussi, oui. Et puis du coup Youssef est là également, hein. Bah, bienvenue à toi Samia. Bah merci. Bah alors tu voulais non, dire en fait, quoi? Je voulais réagir parce que en fait ça m'arrive un peu pareil. Enfin, genre moi les mecs, en fait j'ai du mal à. Enfin, ils veulent pas de moi, ils veulent de moi que. Ah de moi pourquoi est-ce qu'ils veulent pas de toi? Pourquoi ils veulent pas de toi? En fait ils veulent de moi que pour une nuit, j'ai l'impression. Oh, enfin, mais combien mesures-tu? Oh toi, t'es relou, on va pas faire ça de la soirée. 1m60. Combien pèses-tu? Oui. 49 kilos. Ah, c'est pas mal. Quel est ton tour de poitrine? Ah non, je sais pas. Mais si, ça reste entre nous. Allez, on est... 80 D. Et B comme Denise. Oh là là, là, là. C'est ça? Non. Non, B comme Bénédicte. B comme Bénédicte. Ouais. D'accord, ma soeur sera ravie que je prenne à chaque fois son prénom comme exemple. Mais... Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 34. Ouais. Eh bah écoute, si tu veux, Toff peut continuer à vouloir de toi que pour une nuit. Oui, avec plaisir. Bon, il n'y a pas de souci, on peut se faire ça à Rouen, à Paris, comme tu veux. Voilà, c'est... Ah non, mais... Enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils veulent pas. Bah peut-être parce que t'es chiante. Non mais je sais pas, c'est... En plus, on me le dit souvent, ça. Ah bah tu vois, c'est une idée, hein. Moi je te connais pas, je dis ça comme ça, ça peut être une raison. Ça peut. Ou alors on me dit que... Enfin, les mecs ils disent aussi qu'ils veulent pas me faire de mal. Mais voilà, c'est ça, moi non plus, je ne te ferai pas de mal. Ouais, c'est ça, c'est genre, écoute, t'es trop bien pour moi, je ne te mérite pas, il vaut vraiment mieux que tu ailles voir ailleurs et tout, vraiment, sincèrement, c'est ça, mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Bah oui, mais c'est ça. Connard. Bah oui, mais oui. Bah écoute, tu peux toujours rester avec Loïc, vous avez le même âge en plus. Il est comment physiquement? T'es comment Loïc? Allez, essaye de te vendre, pour une fois, sois meilleur que tout à l'heure. Je fais 1m68 pour entre 80 et 85 kilos. Ouais. Ça dépend de la prise de masse. Ouais. Ouais, tu sais, déjà. Et ensuite, j'ai les cheveux courts, très courts. Ouais. Ouais. Je suis barbu. Comment? Dégradé à blanc. Oh, j'aime pas. Allez hop, poubelle, c'est parti, comme ça c'est fait. Allez, voilà. Salut. Je m'étonne, tu trouves que des gars pour une nuit aussi. Eh bah oui, mais bon Loïc, en même temps tu trouves personne, alors bon, tu vois, final. Hein, l'un dans l'autre. Par contre, en revanche, Mickaël, ce serait pas mal. De quoi Samia? Mickaël, ce serait pas mal. Non mais je te remercie Samia, c'est gentil. On me le dit tout le temps. Oui, c'est un vrai beau gosse, Mickaël. Le mec qui se la ramène pas de minutes, c'est ça qui est bien. Non mais c'est gentil Samia, tu lui disais un truc Youssef? Ouais, ça serait bien. Franchement, Samia ne sera pas déçu de moi si tu vois. C'est pas que je me vante, mais t'inquiète pas, je gère tout. Ouais, c'est pas que je me vante. Hein, c'est 22 ans, et toi? 19. Et comment tu dis? Faut dégrader, non? Non, je fais 1m80, 68 kilos, et t'es bronze, maigre. Yeux marrons, cheveux noirs. T'es maigrelet, Youssef. Oui. Et t'es d'où, Youssef? Il est du Nord. Je suis de Roubaix. Youfess. Roubaix? Ah, ma cousine, elle habite là-bas. Non, waouh. C'est génial. C'est génial. Ouais. Bah, écoute, allons voir la cousine. Exactement. Ah, il est de Roubaix dans le Nord. Va te faire enculer, gros bâtard. Ah, et gros bâtard. Et gros bâtard. Alors attention là, attention. Il est fatigué, Louis, il est fatigué. De quoi, Youssef? Louis qui est fatigué. Ah oui, il est fatigué, ouais, bah oui, c'est sûr. Ouais. Bon, bah écoute. On va faire une petite sieste. En même temps, si Samia. Ce que je vais faire, Youssef, c'est que je vais filer ton numéro à Samia et puis après elle te rappelle si elle veut. Ouais, y'a pas de soucis, ça serait cool. Eh ben voilà, écoute, au moins tu seras pas venu pour rien, ce qui n'est pas ton cas, Loïc, hein. Comment ? Ah, moi je suis pas venu pour rien, je suis content, je suis passé. Ah bon, bah alors ça va, alors c'est le principal. Allô ? Ouais, Youssef. Oui, je voudrais faire une petite dédicace. Allez, possible. Vas-y, y'a une personne, profite. Dédicace à Poisson. À qui ? Moi aussi, je dois faire une petite dédicace. Eh, reste tranquille, Samia. Tu disais quoi, Youssef ? Dédicace à mon pote Poisson. Très bien, eh ben on embrasse le poisson, pas de problème. Ça marche, Youssef. Qu'il fasse gaffe à l'absent. Oui. Samia, tu voulais dire, vas-y, une seule personne. Oui, je vais faire une dédicace à ma cousine Wassila. Très bien, message passé, pas de problème. Salut Wassila. Salut Wassila, salut Samia. Salut. Et Loïc, eh ben écoute, bonne chance pour la suite et puis fais un peu moins de sport quand même. Ouais, je vais essayer, je peux passer une petite dédicace. Allez, vas-y, une seule personne. À Kevin qui m'a écouté depuis le début dans sa voiture. Ouais. Très bien. Mais la paix soit sur lui, ouais. Voilà, c'est fort ce qu'il a fait. Tout à fait. Salut Loïc, passe une bonne soirée et puis on va revenir avec Fabrice dans quelques minutes. Salut Fab. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça va bien, on va parler de quoi avec toi dans quelques minutes? J'ai eu un petit souci hier, c'est je me suis fait arrêter par la gendarmerie, j'étais en possession de produits illicites. Ah bah bravo, très bien, bah, reste avec nous, on va en parler dans quelques minutes, Fabrice. Et alors justement, je voulais savoir ce qui vous prenait la tête aussi dans les transports en commun, non mais c'est vrai, non je demande ça parce qu'en fait je suis tombé sur un article qui parle des trucs insupportables en avion, genre les mecs qui prennent toute la place dans les coffres à bagages. Les enfants qui pleurent, ou encore les mecs qui se mettent pieds nus, ou encore ceux qui puent par exemple. Et alors le pire de tout, celui qui passe le voyage à taper sur le dossier du siège. Ah ouais. Ces gens, ils sont là, ils ont des enfants et ils s'en battent les couilles des enfants. Donc le petit fait ce qu'il veut, il tape sur tout, il s'en branle. Et donc du coup ça te rend hystérique. Et donc venez nous dire ce qui vous saoule dans les transports en commun, que ce soit le bus, le train, l'avion, le bateau, peu importe, hein. Donc qu'est-ce qui vous emmerde le plus? Venez nous en parler, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va donner le résultat également de la PS4 dans quelques minutes. Résultat de la colle. On fait ça juste le temps d'écouter le son de Red Fou maintenant sur Fun Radio. Let's get ridiculous. Et puis juste après, on fera quelques appels encore avec Toff. Hein ? Avec plaisir. Allez, à tout de suite. Le son de Red Fou sur Fun Radio. Et ouais, let's get ridiculous. Et puis restez là aussi, dans un instant je vous cale le son de Drake. Ouh, ça va être bon ça. You're everything that I see, I want your high love and emotion. Voilà le son de Drake dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis je vous calerai aussi avant la fin là, Muttonheads, Dancing with the Stars. Et si vous avez des sons à proposer, eh ben allez-y, hein. Hashtag Mickaël sur le Twitter, vous faites des propositions. Vous pouvez aussi les proposer, bien entendu, via le Facebook ou même via les SMS. N'hésitez pas, il y a Florian qui dit « Pour la demoiselle, il faut trouver la bonne personne. La plupart des gars sont relous juste au coup d'un soir. Bise l'équipe. » Il y a Jean-Mi aussi qui dit « Jean-Michel Toff, tu dois être excité, la jolie voix, Karine. » Il y a Quentin également qui dit « Toff, tu vas compter les jours. » Dédé également qui dit « Le haut putain au standard, là, bien essayé, mais tricard. » Et Clem qui dit « Le grand méchant loup. » Dans le petit chaperon rouge, Sandra, t'es magique. Et puis Dédé encore qui dit crédible à chialer comme un gosse de 5 ans dans le jeu de la rupture. Mais on comprend que dalle, c'est vrai, mais en même temps il a réussi la première manche en tout cas. Et DJ Bobru qui dit mais il est vraiment mauvais ce mec, c'est incroyable. Et Casanova qui dit, ah non c'est Arnaud pardon, qui dit il pleure mort de rire le mec de tout à l'heure. Et puis Shannon qui dit Mickaël le plus beau, t'es le meilleur, vous êtes les meilleurs, la meilleure radio, continue comme ça, je vous aime. Merci pour tous vos messages. Mais nous aussi on t'aime. Continuez, balancez vos messages maintenant donc sur le Twitter. Vous mettez hashtag Mickaël pour envoyer votre message. Et si vous voulez m'ajouter, me suivre sur Twitter, je vous suivrai avec plaisir. Vous ajoutez simplement M-I-K-L underscore, c'est le petit tiret en bas, officiel. M-I-K-L underscore officiel. Ajoutez-moi sur Twitter et je vous suivrai également à mon tour. Et avec grand plaisir. Avant de récupérer Fabrice, avant de se faire des appels avec Toff, une toute dernière fois, on va se faire la colle. Allô, allô, Jimmy. Oui, je suis là. Alors, une petite dernière fois, j'avais dit la réponse à 12h30, on l'attendra dans 5 minutes. Une dernière fois, remets le couvert avec la colle. Alors, sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse, par SMS au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, hein, pour donner votre réponse. Là, allez-y, bonne chance. Il y a Louis, il y a Lucky qui dit « Ce serait pas le soldat inconnu ». Non, ça veut dire que c'est très cool. Bah oui, il me semblait aussi. Hein. On proposait le président. Non plus. Non, on proposait également Jeanne d'Arc. Non, c'est les tirailleurs. Non plus. Le chef de 25 soldats, c'est Jérôme. Non. Et on proposait le maréchal Leclerc. Non. Merde. Bon, bah tant pis, voilà. Bah, dernière ligne droite, si vous voulez jouer, vous vous inscrivez maintenant. On fait le tirage au sort dans moins de 5 minutes. M-I-K-L, espace la réponse, au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? C'est la colle de Jimmy. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/. Et Mickaël officiel, on te reprend dans moins de 5 minutes. Jimmy, tu restes là. D'accord, j'en fais là. Allez, ne bouge pas. Et je rappelle que si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne en donnant la bonne réponse, il gagne et tu perds. Si personne ne passe à l'antenne, parce que comme hier, ça n'a pas décroché par exemple, ou que quelqu'un qui passe à l'antenne donne la mauvaise réponse, à ce moment-là, c'est toi qui gagne, Jimmy, d'accord ? D'accord. Bon, allez, c'est parti. On va donc appeler encore une fois de nouveaux amis de Toff. Oui, ça me manquait. Bah écoute, c'est surtout qu'on a appelé de nouveaux amis tout à l'heure et ça a donné ça. Je suis sort de queue. Ouais. Va voir ta grosse mère. Elle est en train de se faire niquer dans un champ de bites, espèce de con. Et enfin celui-là. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Voilà. Donc ça, c'est tout ça pour expliquer aux gens qu'on peut éviter la grippe en faisant l'amour plus souvent. Mais oui, c'est de la sympathie, je viens les aider. C'est pour un service, on est d'accord. Exactement, c'est de la santé publique. Voilà, donc on va rappeler, hein. On va en appeler à nouveau là maintenant, puisque vous avez donné des numéros tout à l'heure hein, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. De gens encore debout à cette heure-ci, par exemple, ou de gens qui sont plutôt du style à s'énerver rapidement, hein, par exemple aussi. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Merci pour les numéros encore une fois, et si vous en avez d'autres, on appelle encore jusqu'à 2h du matin, donc je compte sur vous. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais venir faire l'amour à votre femme. Deux fois par semaine. Comment ? Attendez. Qu'est-ce que c'est ? Je voudrais venir faire l'amour à votre femme deux fois par semaine, monsieur. C'est ta petite sœur. Elle boit le beurre ? Je vois pas le rapport, monsieur. Quel connard, moi. J'aime bien le « Et ta petite sœur, elle bat le beurre ». Oui, c'était ce classe, sympa. Oui, ça ne servait pas à grand-chose, mais on... J'ai beaucoup aimé le petit connard à la fin. Oui, bon, on va le rappeler. Allez vous faire foutre. Mais oui, mais allô. Ah, ça a le mérite d'être clair, de madame, hein, c'est parti, attends, on rappelle. Voilà. Allez. Est-ce qu'on aura à nouveau la chance de tomber sur madame ? Te faire enfin monsieur, pourquoi vous le prenez comme ça ? Ah merde ! Ah ouais, c'était des rapides ceux-là. Ah ouais, celui-là c'est rapide. Hein. Bon bah tant pis, on va laisser tranquille, on a eu tout le monde dans la famille là a priori. Hein. Oui, on a fait le tour là. Bah on a fait le tour, tant pis. On en fera d'autres tout à l'heure, restez avec nous. Il est 12h35, on est toujours au cœur de la nuit, sans pub, sur Fun Radio. Vous balancez toujours évidemment tous vos messages sur le Twitter, hein, comme Angelina qui dit « Va voir ta mère, fils de putain, mort de rire, la grande classe. » Dit Jérôme qui dit « Je supporte pas toucher quelque chose dans les transports en commun, je suis les mains dans mes poches à cause de l'hygiène. » Oui, je vous avais demandé ce qui vous saoulait dans les transports en commun. plainte. Est-ce que, bah, par exemple, c'est le fait d'avoir des mecs qui puent, d'avoir des gens qui, quand t'es dans l'avion, t'es un mec derrière qui arrête pas de bouger sa tablette et donc du coup, c'est juste, ça te rend ouf parce que ça bouge à chaque fois le siège ou d'autres trucs quoi. Ouais, sinon Polo peut nous parler de son expérience avec les coffres à bagages dans notre dernier vol. Ah oui, bah oui, quand on était jusqu'à Londres. Je pense qu'il allait tuer l'hôtesse. Connasse, elle a mis. Elle, en fait, nous on avait notre place à nous. Oui, voilà, et c'est en fait, au-dessus du siège. Bourré le truc des affaires de tous les mecs qui étaient qui avaient rien à faire. Qui avaient des valises surdimensionnées. Exactement. Et nous on avait plus de place. Et à un moment donné, je lui dis, voyez mon sac et tout. Et Toff avait son sac en plastique. Oui, le plastic bag. Le fameux. Et elle le pousse comme ça. Elle le démonte quasiment. Elle le pousse. Et elle, à un moment donné, elle me regarde, elle fait, c'est fragile. Je fais, bah oui, c'est un sac en plastique, c'est fragile. Voilà. Et puis, de toute façon, on l'a déjà démonté. Donc, quoi qu'il arrive, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'elle avait tellement écrasé, mais à la fin, elle fait, c'était fragile. Bah, de toute façon, c'est trop tard. De toute façon, c'est pété. Il y a Léa qui dit, moi, ce qui me dérange, c'est quand les gens disent pas pardon, alors que, bah, toi aussi, tu descends et qu'ils poussent. Ouais. Alors, il y a ceux qui sont emmerdants aussi quand t'es dans le métro. C'est les mecs qui veulent, ou dans le bus, ou même dans le tramway. C'est ceux qui veulent rentrer avant de laisser descendre les gens. C'est insupportable. Oh là là. C'est parce qu'ils ont vu une place, oh ils veulent là. Absolument la voir et donc du coup ils laissent pas les gens descendre. Je les pousse moi maintenant. Mais t'as raison. Ouais. Antoine qui dit je suis arrivé une heure et demie en retard là, je mérite un coup de pelle. Ah bah mec, une heure et demie, ouais je te confirme. Voilà, hop là ça y est c'est fait. Renaud également, les gens qui gueulent, les gens qui mettent du rap à fond, j'en passe. Il y a Saës aussi qui dit moi ce que j'aime pas dans les transports c'est voir le nombre de filles que je peux séduire en uniforme. Et Romain qui dit aussi dans les transports en commun, le mec qui gueule au téléphone à tel point que l'arrêt d'après, tu connais toute sa vie à ce connard. Et enfin Ariel également, quand les mecs prennent ta place dans le train et que tu te trouves à voyager dans le truc à bagages, c'est bien relou. Bah t'as qu'à appeler le contrôleur en même temps, ils vont pas prendre ta place. Tu les fais dégager. Bah oui, et Léo qui dit j'ai envie d'enculer ma meuf, mais elle veut pas, vous avez des conseils pour bien faire son cul. Ouh, grande classe Léo là, le message. Ah bah je sais pas moi, est-ce que Sandro a des conseils? J'en ai pas. Non. Que toi, fallait conseiller à te donner. Ah, c'était la grande classe, hein. Allez vous faire enculer profondément. Bah, moi, complètement, ouais. Moi, j'ai toujours le grand conseil que m'a donné un très grand spécialiste de la question, qui est Rocco. Il faut la préparer en anal. Il faut la préparer. Il faut ce mec, quoi. Non, il faut alors, la préparer. Moi, je suis pas. Alors, moi, je tiens à dire la vérité, je suis pas adepte de ça. Bah, t'as déjà testé. C'est quand la dernière fois? Ah, mais il y a longtemps. Non, mais quand. Il y a 2-3 ans. Ouais, ça va. Mais ça me faisait chier. Ça fait chier. Ça me fait chier parce que tu sais, c'est trop serré quoi. Bah oui. Sandro, la dernière fois, c'est trop membré. Non. Sandro, la dernière fois. Oui, allô Fabrice. Oh là là. Sandro, la dernière fois. Ah, elle fait des signes avec un, donc un mois. Un mois, c'est ça, ou un an? Un mois ou un an? Moi, je dirais un mois. Un mois? Ouais, elle dit un mois. Un mois? Et Dexter, le stagiaire? La dernière fois que t'as pris le chemin boueux? Ah, jamais, mais j'ai déjà dit la dernière fois, jamais, moi. Non, mais non. Mais enfin, le stagiaire, t'es une sexualité, quand même. Ah non, mais chemin boueux, jamais, moi. Ah, jamais? Ah non, non. Mais t'as pas envie, non. Ou? Ah non, non, mais je trouve ça dégueulasse, moi. Mais t'es... Ouais. Ouais. Ah non mais c'est dégueulasse. C'est bon, là, t'as déjà eu assez de temps d'antenne, hein, t'emballe pas. Allez, hein, parce que pour la même chose. Allez, va nous chercher les cafés. Et Toff, la dernière fois? Je sais pas, 3 semaines à moi. 3 semaines à moi? Ouais. D'accord, ok, très bien. Et pas de conseils pour Léo? Non, si, alors il y a deux choses. C'est est-ce que tu le fais avec une capote ou pas? Ouais. Parce que la capote, elle reste dedans. Parfois. Non, alors ouais, enfin ça c'est si tu lubrifies pas. Mais donc si tu prends une capote, il faut pas prendre de lubrifiant à base de silicone, il faut prendre que des lubrifiants à l'eau. Ouais. C'est l'histoire, hein. C'est Toff, il donne ses conseils, donc c'est la musique des conseils. Voilà, donc que des lubrifiants à l'eau si tu mets des capotes et bien lubrifié. Donc n'hésite pas à en mettre trop, c'est préférable. Très bien, voilà. Mais voilà. Tu te la prépares comme... Ouais, et alors toujours au moins, tant que tu peux pas rentrer 2 doigts easy, ça sert à rien d'essayer de mettre ta bite quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était le conseil, bravo Léo. J'espère que tu vas pouvoir kiffer comme ça. Voilà, c'est mieux. Ça va Polo, qui t'arrive mec? Est-ce qu'on peut relever Polo parce que je crois qu'il est tombé, il s'est fait mal. On ne voit plus Polo. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es tombé par terre? Il est par terre. Calme-toi Polo, calme-toi. Ça va. Ça va aller, ouais. Bon, tant mieux. Il y a Océane qui dit aussi dans les transports, je vais te croiser des gens bizarres qui parlent tout seuls ou les étudiantes chinoises qui prennent des photos de toi. Ah bah oui mais bon c'est souvenir quoi. Et Jason qui dit je suis de la vie de Dexter, le cul est plein et plein des fois. Merci classe Jason. Et Megumi qui non, mais alors, saoule quoi. Justement je voulais dire avec ça. Non, si tu lubrifies bien, si tu mets beaucoup de lubrifiant, il n'y a pas de problème. Ah bon? Ouais, parce que en fait du coup ça adhère pas à la capote et donc ça sortira pas. D'accord, ok, très bien. Bon bah merci pour ces informations. Mais tu mets 2-3 doigts? Ouais easy quoi. Non mais easy ou pas? Ouais. Non, deux doigts, si tu mets 2 doigts normalement ça va. D'accord, ok. Mais tu fais autre chose? Bah oui. Bah non mais c'est. Après tu les mets en bouche, c'est oui. Dégueulasse. Mais c'est à cause putain. De Colo, tu le provoques aussi. Bah oui, mais j'essaie d'aider Léo moi. C'est ça, ouais. Vous êtes sérieux là? Bon, il y a Megumi qui dit ce qui me saoule dans le bus, c'est les frotteurs, l'heure de pointe, on le sent bien des fois. Ah. Et le prince là, qui dit le vieux pervers qui sont dans le métro aussi, qui se mettent derrière toi. Et tu sais pertinemment qu'ils matent tout derrière, c'est les sadiques. Et encore, Jason là qui vient d'envoyer ce message, mais j'avais déjà lu. Et The Cousin qui dit Mickaël, vous gérez, je vous écoute au taf avec mon collègue. Il y a moi d'avoir un message de bienvenue. Ah bah ouais, bien sûr, un message de bienvenue. En plus, il y a des nouveaux là. Je suis sort de queue. Voilà. Et Ariel qui dit Gilou doit être au taquet en vous écoutant là. Oui bah il peut nous appeler Gilou hein, s'il a éventuellement des conseils à donner à Léo là. J'ai envie de dire pourquoi pas. Vraiment pourquoi pas. Bon allez, la réponse maintenant à la colle. Bon on va le faire maintenant du coup hein, parce que c'est vrai qu'on a un peu traîné là. Alors Jimmy. Oui. Alors on va donc donner la réponse maintenant à la colle. C'est parti. On appelle maintenant le gagnant ou la gagnante éventuelle bien entendu hein. C'est parti, t'es prêt Jimmy? Oui, je suis prêt. Allez, je rappelle que tu as posé une colle tout à l'heure. On appelle quelqu'un qui a donné une réponse. Si elle est bonne et qu'il décroche, eh bien, il gagne la PS4 et tu perds. Jimmy, s'il ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne. Et hier, ça n'a pas décroché pour info. Et c'est Stacy qui avait gagné. Allô. Allô, bonjour. Allô. Allô. Allô. Allô, allô. Allô. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Lorraine. Bonjour, Lorraine. Combien mesures-tu, Lorraine? Comment ça va, Lorraine? Ça va. Tu as déjà vu un homme tenu? Oui. Mmh. Oui, mais combien mesure Lorraine? 1m74. Combien pèses-tu, Lorraine? 55 kilos. Il faut manger, Lorraine, maintenant. Ou te faire bourrer le chemin boueux. Non. Quel est ton tour de poitrine, Lorraine? 85B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Bonne. Tu sors de queue. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Bon. On lui demande pas quand on remonte sa dernière ce demi. Non, ça ira. Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu t'appelles? Excuse-moi, rappelle-le-moi. Lorraine, oui, c'est ça. Bon, Lorraine, il y a Jimmy qui a une colle à te poser. Ok. Ouais, quand tu veux, Jimmy. Hein. Ok. Alors, sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je? Le A. Oui. Oh putain, ils vont encore me casser les couilles sur le Facebook. C'est une fille, c'est scandaleux. Ouais, c'est encore une fille, c'est la troisième, c'est de la triche. Il faut savoir que dans le monde, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est vrai, donc c'est techniquement plus logique que ce soit une fille qui gagne plusieurs fois. Bon, enfin, bon, soit. Bon, eh ben bravo Lorraine, la PlayStation 4 est pour toi. Ouais. C'est pour toi ou c'est pour ton mec? C'est pour moi. C'est pour toi, d'accord. Et bien écoute, Lorraine, on peut jouer à la PlayStation quand tu veux. Voilà. Il n'y a pas de problème, je t'apprendrai des trucs et tout. Moi qui suis un grand gamer. Et attention, je rappelle que j'ai joué à FIFA 14 contre le champion du monde et qu'il ne m'a battu que 2-0. D'ailleurs, il tremble encore. Et il a encore peur, d'ailleurs. Ouais. Il a eu très très peur. Ou 3-0. Ou 4-0. Ou 4-0. 4-0 ouais. Ouais, 4-0, ouais. Putain, j'ai failli dire 1-0 au début en plus. Ouais. Mais non. J'ai perdu la mémoire. Bon, enfin, c'est bien, 4-0 pour face au champion du monde, c'est quand même plutôt une victoire. Oui. Je considère ça comme une victoire, en tout cas. Bon, eh ben, Lorraine, félicitations pour la PlayStation 4. Merci beaucoup. Je t'en prie, tu vas retourner chez Sandro au standard. Et puis, Jimmy, bah, je suis désolé, hein, malheureusement. Soit t'essayes de gérer avec Lorraine pour faire une petite partie avec elle, soit tu retournes chez ta mère les mains vides. Bah, elle t'envoie une manette. Non, je vais gérer avec Lorraine. Eh ben voilà, fais donc plutôt ça comme ça. Gros bisous, Lorraine. Merci beaucoup, bisous. Salut, Lorraine. Oui, Jimmy, tu voulais dire? Je peux faire un petit dédicace? Oui, bah, vas-y, t'auras gagné ça, moi, tiens. Un petit dédicace à mon meilleur pote, Anthony. Très bien, eh ben, le message est passé et il doit être vénère puisqu'il ne pourra pas jouer à la PlayStation 4 avec toi. Il va être bien vénère, complètement. Bon, oui, tu vas gérer ça avec Sandro pour le pack, il n'y a pas de problème. D'accord, bah, je vous remercie. Salut, à bientôt. Salut. Allez, ciao. On va faire d'autres appels avec Tof dans quelques minutes. On va récupérer Fabrice qui a eu un contrôle de flic et apparemment il est un peu dans la merde. On aura également Chloé. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Comment ça va Chloé? Vu la situation, ça va pas trop. Attends, je t'entends mal. Est-ce que t'as le kit main libre, Chloé? Oui, pardon. Vu la situation, ça va pas trop, mais bon. Mais qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Bah, mon copain, je viens d'aller le voir parce qu'il voulait pas me voir ce soir et j'ai découvert qu'en regardant par la fenêtre, il était en train de coucher avec une autre. Oh le bâtard. Ah l'enculé. Attends, c'est quoi ? J'ai un message pour lui. Va voir ta grosse mère. Elle est en train de se faire niquer dans un champ de bite, espèce de con. Voilà. Non mais c'est vrai. J'en ai même un deuxième. Vous êtes un petit connard. Et encore un autre. Allez vous faire enculer profondément. Et encore un autre. Je suis sort de queue. Et encore un autre. Oh mais c'est ta mère. Je te fais bander moi. Je vais t'enculer. Je vais te montrer comment tu vas pas dire. Voilà. Non mais quel connard alors. Bon écoute Chloé, reste tranquille. Viens mettre ta tête sur mon épaule, on va s'occuper de toi. Tu bouges pas Chloé? Je bouge pas. Bon je vais te mettre une belle chanson de Lover, tiens justement. Ouais. Drake. Non maintenant. Justement c'est pas le moment non. Mais non mais c'est Hold on where you're going, where you're falling, motherfucker. C'est le nouveau titre. C'est Get Out c'est motherfucker. Voilà. Yo. Tu vois? Allez. Oui. On revient juste après, tu bouges pas, d'accord? Ok. Je suis sort de queue. I got my eyes on you. Allez vous faire enculer profondément. Oui, je pense qu'effectivement tout est dit à ce niveau-là là. Bon, Chloé. Oui. Ça va, t'es encore en vie? Oui. Ouais. Après ouais. Le son de Drake là. Non, bah parce qu'à un moment je me suis inquiété, je voyais plus rien bouger dans le standard. Je me suis dit putain, ça y est, elle s'est mis une balle. Non, pas encore. Bon, ça va. Mais tu vas rien faire, arrête un peu Chloé là. Oh là là, oh là, là. T'inquiète pas, je vais te présenter l'homme de ta vie si tu veux, il s'appelle Toff. Mais oui, combien mesures-tu Chloé? Je mesure 1m54. Combien pèses-tu Chloé? Je pèse 48 kilos à peu près. Quel est ton tour de poitrine? Alors attention, la honte. J'espère que personne m'écoute. Je fais du 90G. Quoi? Comment? Mais non, c'est pas possible. Comme gros bâtard? Tu sors de queue. Pardon, c'est ça celui que je voulais mettre. 80, c'est pas... G comme gros. Oui, c'est on ça. On peut oui, avoir une photo gros, pour oui. Se rendre compte du 4... Non oui, j'ai comme... Non, ça va aller quand même. J'ai comme gastronomique. Gastro, oui, c'est ça. Non, mais c'est un titre professionnel. Hein. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté 38. Et écoute, Jean, est-ce que je peux me permettre, Chloé? Comment? Est-ce que je peux me permettre? Oui. Ah oui, ce petit jet est très agréable. Je peux plonger aussi ou pas? Ouais, si tu veux, il faut demander à Chloé. Chloé, je peux? Non, là, non. Là, il n'y a que moi, c'est mais c'est normal, c'est une exclue totale. Moi, je peux refaire. Non, ça va aller. Allez, oh. Chloé. Ça se refuse pas, c'est nickel. Juste une fois. Bon, vas-y. Bon, allez, hop. Bon. Ah je suis jaloux là. Ouais bah ouais, c'est grave. Ouais bah tant pis. Bon il est quand même un peu con quand même ton mec là. Pourquoi il s'est barré cet abruti? Bah je sais pas parce que pourtant tout ce qu'il m'a demandé je l'ai fait et Il t'a demandé quoi? Attends mais qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il m'avait quitté et il m'avait dit il me reprenait à une seule condition si on faisait un plan 1-3 et du coup je suis tellement amoureux. Oh mais Chloé, il fallait pas faire ça, c'est les mecs. Attends, les mecs, alors je vais vous dire un truc, les filles et les mecs, ça vous évitera comme ça je vous taille l'herbe sous le pied. Les mecs qui vous promettent de revenir ou de sortir avec vous si vous faites un truc sexuel avec eux, faut les dégager, tu dis ah tu veux faire c'est du chantage. Eh ben va te faire enculer. Tu sais quoi, t'as qu'à faire ça. Allez vous faire enculer profondément. Voilà, tu réponds ça. Allez vous faire enculer profondément. Vous êtes un petit connard. Ouais, exactement. Mais je suis amoureuse aussi. Oh, ouais, mais regarde, lui il est pas amoureux de toi, la preuve hein, cet enfoiré. Eh, s'il était amoureux de toi, il te ferait pas coucher avec un autre mec. Exactement. Ou avec une autre meuf. Ouais, s'il était amoureux de toi, voilà, ouais. Ah bah oui. Mais là, il a eu raison, Mais non, il a pas eu raison. Non mais voilà, bon attends, Chloé, reste avec nous, on va parler avec toi dans quelques minutes. Si vous êtes éventuellement une meuf et vous avez envie de réagir à Chloé, donner des conseils, ou même les mecs, il n'y a pas de problème. 01 42 48 5000 ou 02 851 4 x 0. On va également récupérer notre ami Hugo qui est avec nous là. Hugo Attends, deux secondes. Ouais. T'es là Hugo? Ah. Ça va Hugo? Ouais. Tu fais quoi? T'es en train de te branler ou quoi? T'es en train de te masturber ou quoi? Non, j'étais dans mon portable et je commençais à m'endormir. Mais c'est parce que je viens de te voir dans le standard en fait, t'es là depuis longtemps, mais je viens de te voir seulement maintenant, je suis désolé. Bon, Hugo qui nous avait appelé la semaine dernière, il devait faire un cours d'anglais, c'est ça? Ouais, mais justement, je t'appelais parce qu'en fait, tu m'as dit la phrase, mais je me souviens plus de l'intonation. Et je préfère avoir une bonne punition une fois pour toutes que deux, tu vois. Parce que si je m'en chope deux à la suite, tu vois, c'est... C'était quoi la phrase, j'ai oublié. C'était I love mille smiles, enfin, je sais plus. Awesome ou je sais pas quoi là. Ah non, non, non. Non, c'est le blood job. Ah oui, c'était ça. C'était I love milf, non? I Love Milf, mais avant on lui avait demandé autre chose. The Blowjob. Non, c'était pas The Blowjob, c'était... Si. Ah, c'était Coronés, ouais, je m'en souviens. Non, ouais, ça c'est en espagnol, ça, mais là t'es en anglais, là, non? Ouais, c'est peut-être Blowjob, c'est peut-être Blowjob qui a raison. Si. Can I make a blowjob? Can I make a blowjob? Milf. Ouais. Ok, par contre, je le ferai après le 29 novembre parce que j'ai un gros contrôle d'anglais. Non, mais c'est deux, c'est dans deux jours. Le 29 novembre, vous emballez pas. Non, mais j'ai un contrôle d'anglais donc j'ai pas envie. Ah oui, mais bon, donc, can I make a blowjob, Milf? Je fais comme ça avec l'accent un peu américain, ok? Ouais, sauf que je suis français. Non, mais c'est pas grave, alors, c'est pas un problème. Donc tu dis, et tu fais avec tout, avec les trucs américains, elle sera contente, tu vas faire un... can I make a blowjob, Milf? Ok? Et je sens que je vais me prendre 200 lignes, là. Non. Mais non! Allez, répète après moi. Can I make a blowjob, Milf? Can I make a blowjob, Milf? Non, on recommence. Bon, alors attention, déjà c'est très important, il y a le que font les Américains, tu vois. Parce que l'Américain réfléchit toujours avant de parler. Toujours. T'as pas une phrase plus courte et moins longue, enfin. Plus courte et moins longue, mais... c'est à peu près un synonyme, comme on peut dire. Bon, non mais c'est très court. Can I make, ok? Puis-je recevoir, enfin en gros, est-ce que tu peux me faire, voilà. Can I make A. Ouais. Ok. Blowjob, B comme bébé, B-L-O-W-J-O-B. Job, ok. Voilà, virgule, MILF, M-I-L-F. Ok. Ok, donc là tu refais après moi. Can I make a blowjob, MILF? Can I make? C'est pas comme ça que tu vas réussir ton année. Ah putain, c'est pas gagné. Can I make a blowjob, MILF? Pas mal, on recommence. On se rapproche. On recommence et donc tu fais... can I make a blowjob, Milf? Can I make a blowjob, Milf? Tu fais pas bien le Ouais. Tu vois, c'est Can I make a blowjob, Milf? Ok, je passe en anglais. Mais c'est pas grave. Mais tu peux faire Voilà. Can I make a blowjob, Milf? Je le sens pas, ce coup. Mais si. Fais-nous confiance, on t'aime. Voilà, demande-lui ce que ça veut dire. Vous vous souvenez avant les 100 lignes que vous m'avez pris, là? Oui. Vous m'avez dit comme ça, mot pour mot? Attends, Hugo, on n'est pas des connards. Eh bah ouais, Hugo. Eh bah on est pas des connards. On n'est pas des connards. Tu vas voir, tu demandes ça à ta prof d'anglais, elle va être contente, elle va être fière de toi. Au moins tu cherches. En plus, c'est le travail, ton accent et tout. Pour chercher, je cherche. Donc, et ok. Oui. Donc fais. Can I make a blowjob, Milf? Ouais, ici. Try again, motherfucker. Yeah. Try again, motherfucker. Try again. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Comme oui, je dis, effectivement. Comme il y a, pitoyable, mais pas digne de pitié. Bon, try again, motherfucker. Yes. Donc bah vas-y alors. Allez, vas-y. Dis yes. Ah, j'ai pas compris la phrase, j'ai juste dit yes pour c'est pas un blanc. Try again, ça veut dire recommence. Encore une fois. T'es vraiment minable en anglais. Can I make a blowjob, Milf? Pas mal. Bon, on galère un peu sur le 1. Tu nous remercieras plus tard. Mais oui, bien sûr, tu nous remercieras. Déjà, tu vas retourner. Par contre, je voulais juste vous dire qu'il y avait une suite par rapport à Coronés là. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'en fait, j'étais en sport et tout. Ouais. Et là, on faisait des abdos avec mes potes et tout, enfin en sport. Et notre prof, là, je fais semblant de mettre une claque à mon pote. Ouais. Et là, il y a mon prof qui fait « Je t'ai vu, Hugo ». Et tu sais, comme il est pas commode, j'ai flippé, donc j'ai fait correctement. Et là, il nous rassemble tous au milieu. Et là, il me fait « Hugo, avance ». Là, je le sentais super mal. Il me fout une tarte. Mais mon prof, il m'a foutu une tarte, mon prof. Mais ouf, il a cru qu'il était où, lui? Et après, il me fait « Hein ?» Et je fais, mais non, mais je l'ai pas touché. Il me refout une tarte. Et là, il me fait, ouais, là aussi, je t'ai pas touché ou je sais pas quoi. Et après, il me fout une balayette devant tout le monde. Il me fait, ça, c'est pour le coronavirus. Non, mais tu te fous de notre gueule. Attends, mais c'est ça, dis-le. Eh, mais dis-le à tes vieux, Hugo. Mais ouais, mais... il peut pas faire ça. Il a cru qu'il était où, lui, foiré, là, avec son survêtement pourri. Il rigolait, je pense. Ouais. Non, mais attends, genre, il t'a mis une vraie claque ou il t'a fait une petite tapette. Ouais, une petite taverne, mais Ouais, c'est pas pareil. Enfin bon, normalement on peut pas non plus, mais enfin bon, on est pas dans le détail non plus à ce niveau-là, quoi. C'est juste qu'il voulait montrer que tu l'avais tapé quand même, quoi. Ouais, voilà, et genre la grosse balayette, il me fait hein, et il me fait ah, ça c'est pour Coronés, l'espagnol, ça. Ouais, mais c'est parce que t'es devenu la star du collège. Mais les profs de sport, c'est tous des cons. Mais des survêtements de merde, ils ont toujours un chewing-gum. Et un gros bide. Et un gros bide. Et un gros ventre parce qu'il faut pas sport. Je hais les profs de sport. Voilà, ok. Ouais, bon, répète la phrase. Can I make a blue job, Mills? The blue, it's not the blue. Blow. Motherfucker, blow job. Parce que a blue job, c'est pas pareil. Chloé. Chloé. Le gros G. Again? Merde. Chloé. Merde, pourquoi il marche plus? Mon standard ne marche plus. Ah ben voilà. Attendez, j'essaye. Ah ben non, il marche plus. Alors attendez, je répare. Il doit y avoir, à mon avis, je crois que c'est Dexter le stagiaire qui a dû merder dans mon standard là. Ah voilà, mais non, ça marche. Dexter le fautif. Chloé. Oui. Chloé. Oh, quoi? Chloé ne comprend pas. Do you speak English? Non, pas du tout. Ah putain, oui, on n'est pas aidé. Là, là. Donc tu sais pas ce que ça veut dire, Chloé, si je dis can I make a blowjob? Je crois que c'est un truc un peu... Non, bah dis rien, con, bah attends, mais Hugo va découvrir, de toute façon, il y a son profil, c'est un fier de lui. Ouais. Bon, Hugo, on te rappelle quand alors pour avoir le résultat là, de tout ce bordel? Bah, je vous rappellerai moi, parce que ça va être chaud quand même. Ouais, mais plus ou moins quand? Après le 29. Bon, le 29, c'est donc on est mardi, mercredi, jeudi, donc après jeudi, donc dimanche. Ouais, voilà. Bon, on fait comme ça. Je compte sur toi, Hugo. Hein. Par contre, je voulais juste te demander si c'est pas trop. Comment ça s'est passé, Starfloor? J'ai pas pu venir. Très mal, on s'est fait chier comme des rats. Ouais, franchement. Bah non, ça s'est super bien passé, on s'est super bien marré, ça a été au top. D'ailleurs, tu peux. Oui, il a essayé d'enculer le lama. Tu il peux a pas essayer. Voulu, t'as vu, hein, il a eu peur du coup. Tu peux aller voir si tu veux, il y a le replay sur W9. Ah ouais? Bah oui, sur le site de W9 et toutes les photos aussi, les vidéos qu'on a fait en off sur fanradio.fr. Donc je peux aller voir Hugo. Ok, pas de problème. Et je pourrais juste vous demander, si c'est pas trop encore, est-ce que je pourrais repasser un soir ou voilà pour chanter avec vous la chanson de fin là, parce que je sais pas où vous voulez trouver. Non, mais franchement, faudra me dire où vous les trouvez sur internet ou je sais pas où. J'ai essayé de chercher sur internet mais je les trouve pas. Ouais, mais c'est parce que tu n'es pas bon ça. Tu cherches quoi? La chanson de fin du générique. Mais c'est partout. C'est les Simpsons. South Park. Et c'est Uncle Fucker. Uncle Fucker. Tape ça sur YouTube, tu vas trouver, t'inquiète. Bon, okay. Hugo. On te rappelle dimanche. Ok. Have a good night. See you soon, motherfucker. Je peux passer une dédie? Ah bah d'abord, dis-moi bonne nuit en anglais. Good night. Ah, c'est pas mal. Pas mal, bah, tu pas mettras mal. Have a good night, c'est mieux. Mais bon, allez, on n'est pas dans le détail non plus. Bon, allez, vas-y. En anglais, Hugo, la dédicace, hein. Je peux la faire demain en anglais. Bah non, demain t'es pas là, tu m'as dit. Ouais, enfin. Allez, aujourd'hui en anglais, allez. Non, en vrai je peux pas là. Allez, non, Hugo, allez. Oh là là, sois un homme. Non, je peux pas là. Allez, je suis trop fatigué. Hugo, motherfucker. Come on. Je sais rien dire, là, j'ai les yeux explosés, je suis... Oh, genre, il est fatigué, ça. Oh, c'est vrai qu'il parle par les yeux. Ah bah, bien sûr, évidemment. Bon, allez, vas-y, Hugo, tu m'as déçu. Bon, ouais. Vas-y. Alors, une grosse dédiée à Ambre, Daphné, Luna... Hugo, c'est un, normalement, c'est limité par A1, pardon. Il a des problèmes avec le français aussi. Ouais, avec le français aussi, ouais. T'as quelques soucis, non? Ouais, mais vu que j'ai eu 100 lignes, je peux pas avoir 100 dédicaces. Non, alors même pas en rêve. Déjà que ça fait chier tout le monde les dédicaces. Donc non. J'aurais essayé. Bah, sinon tu les écris et tu les mets sur ton Facebook, les 100 dédicaces. Ouais, c'est pas mal ça, c'est un bon plan ça. Bon, okay. Hugo, allez, bonne chance avec ton prof d'anglais, tu nous rappelles dimanche. Allez, salut. Bon, ça roule. Allez, ciao à toi, Hugo. Bon, retour avec Chloé dans quelques minutes. Ça tombe bien, il y avait Mélissa également qui est avec nous là. Bonsoir Mélissa. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien depuis hier. Bah tant mieux. Alors Mélissa donc qui est dans le standard parce que bah qu'est-ce c'est quoi ton problème toi? T'as pas de radio? Bah je suis garde à la caserne puis en Alsace on capte pas quoi. Ah bah oui c'est vrai putain on a pas d'émetteur. Y a plein d'endroits comme ça en Alsace où y a pas fun. Fait chier quand même. Ouais. Bah oui, c'est relou. Bon bah du coup t'es obligé d'écouter par internet ou par le standard. Donc écoute, sois la bienvenue Mélissa, on va parler avec toi dans quelques minutes. Y a également Lola et Stéphanie qui voulaient réagir à Chloé. Vous êtes là les filles? Ouais. Oui. Lola qui est décédée donc. Hein. Et j'ai la voix cassée. Non. Bah moi je l'ai eu pendant 3 semaines, tu vas voir, c'est cool. C'est flou. Ah mais c'est flou. Mais oui. Oh ah. Flou, encore de retour, flou. Oh là là là là là là. Tu vois ça c'est quand on ment alors du coup on perd sa voix. Bah oui. Ah bah, il y en a, c'est le nez qui rétrécit et il y en a, s'ils ont plus de voix, c'est comme ça. Qui s'allonge, pardon. Stéphanie également, comment ça va Steph? Ça va bien et vous? Bah ça va bien, tranquille. Tu voulais réagir à Chloé aussi toi? Oui. Bon, on fait ça juste après le son de Ellie Goulding, ça vous branche les filles ou vous voulez autre chose? Ouais. On peut mettre Game Over. C'est toujours Flo qui doit se la ramener. Ouais. Tu veux quoi, les vents passent? Game Over. T'as cru qu'on était où, mec? Elle a demandé les vents. Les vents passent. Oh non. Monster. Complètement fin. Game Over. Complètement, bah oui, bah, Game Over, c'est pour toi, Game Over. Tiens, on va demander aux grandes personnes là, aux majeurs, Mélissa, Chloé, Stéphanie, Ellie Goulding, ça vous branche ou vous préférez autre chose? Monster. Non, mais ça va. Qu'est-ce que tu veux, mais on l'a déjà mis Monster avec Eminem et Rihanna, Mel. Ah bah dommage. Ah bah oui, bah, c'est vous n'aurez pas Showtech? Bah si tu veux lequel. Peu importe. Showtech, peu importe. Bon, alors attends. Ah oui, putain, c'est un petit bouilla. Bouilla. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Attends, je vais le chercher là. Bouge pas, c'était pas prévu. Attends. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, hop là, bouilla. Il est là. Hop là, c'est parti. Allez, hop. On se le met maintenant. On se retrouve après, d'accord. Allez, bah bougez pas, avec plaisir. Steph, tu restes là. Chloé aussi. On récupère Fabrice là qui s'est fait choper par les keufs. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais on va en parler dans quelques minutes. Et puis, bah il est 1h du mat. On va faire des appels encore avec Tof dans quelques minutes. Et on parlera également de si vous avez déjà utilisé transport en commun. Alors ça peut être avion, bus, métro, n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous casse les couilles avec les autres usagers? Vous nous appelez maintenant. On en parle. 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Allez, Showtech, bouillard. Yes, all we care about is somebody keeping them good vibes in the end. Avec Bouya, c'est Steph qui l'avait demandé. Il y a Léa qui dit sur le Twitter également, là je peux mettre n'importe quoi, ils passeront inaperçus mes tweets là. Allez, oh là, qu'est-ce que je vous ai fait de n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? T'as entendu du best-of ça? Hop là. Donc je voulais mettre ça. Voilà, à la bonne heure. Et donc je disais, Léa qui disait je peux mettre n'importe quoi, ils passeront inaperçus mes tweets. Showtech c'est une tuerie finalement, reste anonyme, c'est pas plus mal. Ah désolé Léa, si j'avais lu jusqu'au bout, j'aurais pas lu ton tweet d'abord hein, puisque tu voulais rester anonyme, désolé. Et puis plein de messages aussi qui arrive encore et toujours avec le hashtag Mickaël, où on est au top 8 d'ailleurs ce soir encore une fois. Merci beaucoup pour tous les messages que vous balancez tout au long de la soirée, de plus en plus nombreux, merci. Il y a Chloé qui dit le type c'est un enculé, c'est le cas de le dire, l'amour rend aveugle et il t'a malheureusement bien enculé. Juste une question, vous avez trouvé la deuxième personne pour le plan A3? Si oui, c'est une pute. Chloé? Oui. Est-ce que vous avez trouvé finalement, t'as fait un truc A3 alors avec lui et elle? Bah, au bout du compte, le samedi soir, quand il nous récupérait à 5h, il m'a dit, tu prends ta décision, la nana viendra ce soir. Et au bout du compte, bah, tellement amoureux, j'ai dit oui. Et la nana, le soir à 21h, elle était là. Oh, mais genre, c'est une meuf qui l'a payé, en fait? Non, c'est une de ses ex qui est toujours amoureuse de lui. Ah oui, d'accord, il a fait la même odeur, quoi. Ouais, c'est ça, il a fait la même odeur. Quel enculé, quand même, hein, putain. Je devrais y penser, c'est pas mal comme truc. Ouais. Ouais, par contre, j'ai un petit problème. Là, il va falloir que je raccroche. J'ai plus de batterie et puis j'ai pas de chargeur parce que je suis pas chez moi, parce que je suis partie chez mes parents vu que je suis. Bon, alors. Vu que je suis plus bien. Bon, attends, on va rester jusqu'à ce que. Je sais ce que ça coupe parce qu'il y avait Stéphanie qui voulait te parler aussi en speed là. Steph, t'es là de 20 ans de Paris là, Steph. Oui, en fait, je lui ai demandé. Dis-moi. Oui. Ça fait combien de temps que t'es avec? Enfin, que t'étais avec, du moins. 6 mois. 6 mois. 6 mois. Ouais. 6 mois, moi, d'accord. J'ai compris 6 mois. Non, t'as fort. Oh là là. Non, là, j'ai pas trop envie. Enfin, je sais pas, mais moi, je comprends pas sa réaction, le fait que bah, ça fait 6 mois et qu'il te demande de faire des plans à deux comme ça, enfin, à trois, je veux dire. Mais bon, s'il le fait, c'est parce que vraiment, il t'aime pas et que justement, il a plus envie d'être avec son ex qu'avec toi. Ouais, c'est un con. Il a trouvé un moyen de faire en sorte que tu partes, en fait. Il m'a déjà trompé 3-4 fois avec cette fille-là, et j'ai toujours accepté. Avec Chloé, en 6 mois, le mec, il te trompe 4 fois, et il te demande, il dit, ouais, je te récupère seulement si on fait un plan A3, et tu dis oui. Alors, t'as vraiment l'amour est aveugle, hein. Enfin, l'amour rend aveugle. Bah, c'est pour ça que je vous appelais, pour essayer de trouver une solution pour réussir à me venger ou lui balancer dans la gueule. Enfin, réussir. Mais écoute, si tu veux, vraiment, je suis disponible. Ouais, c'est ça, ouais. On peut se venger ensemble. Et, sincèrement, après, c'est peut-être pas la réponse que tu vas. Mais même ça, j'ai essayé, ça marche pas. Alors. Non, mais c'est peut-être pas la solution que tu vas vouloir, à la limite, hein. Mais moi, à ta place, je lui donnerais même plus de nouvelles. Ce mec n'existe plus. C'est encore la meilleure phrase. Ouais, c'est bien de l'ignorer de temps en temps. Bah oui, tu disais quoi? Je veux pas lui donner la satisfaction qui reste avec elle, en fait. Parce qu'elle a été la rechercher et au bout du compte, je veux pas lui donner la satisfaction qui reste avec son ex et qui me jette moi. Ah mais t'inquiète pas, ça va casser avec son ex aussi, hein, d'un jour à l'autre. Hein. S'il a fait la même enfume qu'à toi, elle va s'en rendre compte aussi, t'inquiète pas. Hein. Et au-delà de ça, s'il a décidé qu'il voulait continuer à se la taper, il s'en fout que. Ouais, oui. Enfin, il va pas prendre ton avis en compte, quoi. Bah oui, je sais, là je suis tu peux rien faire, machin et tout, il s'en balance. Ben c'est ça, mais si tu peux rien faire, toi. Mais si, non. Si lui, il a choisi de continuer à avoir cette fille, tu peux rien y faire. Ouais, non, il faut juste oublier, t'inquiète pas, elle va se barrer aussi à un moment ouais, ou à l'autre. Ouais, je veux bien, mais moi, ce que j'aimerais bien réussir à faire, c'est, entre guillemets, me venger, réussir à lui foutre, enfin, pas la honte, mais... Ça sert à rien. J'ai juste envie de me venger, parce qu'au bout du compte, c'est l'autre poufiasse qui a tout gagné dans l'histoire, elle voulait récupérer. Mais elle a pas gagné, Chloé, elle a pas gagné, au contraire, c'est toi qui as tout gagné, t'es plus avec ce trou du cul, c'est elle qui se trouve avec ce connard, donc c'est elle qui a tout perdu. Ça sert à rien de te rappeler pour une fille pareille. Ça va pas te soulager de te venger en fait. Ça, c'est tu bien, seras c'est... pas plus soulagé, hein, la souffrance elle sera toujours là. Bah oui, c'est bien un truc de meuf ça. De quoi? De devoir absolument que lui ne puisse pas avoir l'autre. Mais en final, oh non, c'est mais oui, c'est ça. Moi, mon problème, en fait, c'est que tu te fais du mal pour rien. Qu'il soit avec l'autre poufiasse. Je voudrais qu'il soit avec moi. J'accepte, je m'en fous. Enfin, je veux me venger. Je veux qu'il mange. Donc, moi, je vais manger. Non, mais d'accord, ça, mais je comprends l'esprit de vengeance. Mais dis-toi, je sais que c'est difficile, mais je vais le répéter encore une fois. Dis-toi que c'est toi qui as gagné, putain, grâce à cette espèce de trou du cul. Tu peux enfin te taper un vrai mec et pas un connard. Je suis disponible. Mais oui, je vais dire pas un connard. J'arrive même pas. Non, mais c'est normal, c'est parce que j'ai même pas réussi à coucher avec un mais autre. Je sais, mais c'est parce que c'est encore tôt, c'est pour ça que tu n'arrives pas. Ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est normal que si t'étais amoureuse, tu vas pas directement comme ça du jour au lendemain te dire ah bon, finalement c'est une bonne nouvelle, c'est cool. Je sais bien que le conseil que je te donne, tu vas pas te dire tout de suite, c'est vrai, il a raison, allez hop, on tourne la page, je le sais. Et au-delà de ça, en plus, si tu te remets avec lui, tu la souffrance, tu l'auras toujours parce que tu sais pertinemment qu'il te trompe. Et tu le supportes pas. Donc au bout du compte, je le supportais parce que quand j'ai appris comme quoi qu'il m'avait trompé plusieurs fois, j'ai fermé ma gueule, je lui ai dit en face. Oui, et... tu dis rien, tu fermes ta gueule, mais est-ce que t'es vraiment heureuse comme ça? C'est beau ce que tu dis. Bah non, j'en pleure tout le temps, je suis vraiment pas bien. Moi, ce qui me rend ouf, ce qui me rend le plus ouf, c'est que les meufs sont obligées de tomber amoureuses tout le temps de trous du cul de leur race. Mais le pire, c'est qu'il y a un mec bien, tu vas voir, elles vont dire, ouais, mais non, sûr. Mais non, parce que non, il y a est un trop connard bien. Où c'est ouvert, c'est marqué, hein, c'est marqué en grand, les enseignes lumineuses, où il est marqué, je suis un plus gros enculé de la Terre, je vais me foutre de ta gueule, ça clignote hein, partout, hein, c'est comme le sapin de Noël, et on ça lui clignote dit de partout, souvent. Tout le monde est prévenu, tu vas, elles vont où les meufs? Chier le trou du cul, ouais. Et après ça va pleurer. Bah ouais, mais on t'avait dit. Mais on t'avait prévenu. Ah bah ouais, mais il m'a trompé ça quoi. Ouais, mais on sait hein. Mais je vais lui laisser une chance. Comme on dit, les opposés s'attirent, donc Ouais, mais il y a un moment il y a un moment, je veux dire, c'est quand même incroyable. Le mec Chloé en 6 mois, il t'a trompé 4 fois. Une espèce de menace de merde en disant un chantage plutôt. Je veux bien revenir avec toi si on fait un plan à 3 et au final il te vire quand même. Et toi tu continues derrière. C'est un connard. Non, moi ce que j'arrive pas à comprendre en fait, c'est que vu que c'est lui qui a fait, enfin qui l'a trompé, etc. Pourquoi ça sert à elle de revenir vers lui et pas lui vers elle plutôt? Oui, mais c'est ça. Il s'en fout de moi en fait, il s'en balance complètement. J'ai crevé. Bah, s'en fout de toi, t'as qu'à t'en foutre de lui. Mais ouais, mais moi j'ai envie qu'en fait, j'ai envie tout... qu'il mange. Mais il s'en fout. C'est ça que tu ne comprends pas. Que qu'il mange ou qu'il mange pas, il s'en fout, il va continuer comme ouais, ça. Donc je sais que c'est le pire connard. Je sais que c'est le pire connard qui s'est fait. Je sais même pas comment il fait. Mais je veux me venger à tout prix. Je veux qu'il ait la honte devant tout le monde. Je veux qu'il puisse manger autant que moi j'ai mangé en 6 mois. T'as pas des dossiers secrets sur lui? Des trucs qu'il y a que toi qui... Enfin, il y a que toi qui sais. Bah non, enfin... Genre il t'a pas envoyé pas des trop. Photos un peu... Ouais, non, mais faut pas tomber là-dedans, franchement. Bah oui, parce qu'au final, après, ça va être de la surenchère et... Ça sert à rien. La vengeance sert à rien, de toute façon. C'est juste au moment où t'es énervé que tu fais... Ouais, mais ça fait du bien. Ouais, mais j'ai appris un truc, c'est... Ça fait énormément de bien et ça me permettra de passer à autre chose, parce que là, au bout du compte, j'arrive pas à passer à autre chose. Est-ce que t'es vraiment sûr que si tu te venges vraiment et que t'arrives, tu vas réussir à passer à autre chose? Évidemment. C'est juste que le deuil de la relation, tu veux pas l'affronter, c'est tout, bah mais oui. Tu vas être obligé d'y passer un moment. Attends, demandons à Flou, qui a toujours une bonne idée, là. Flou. Bah moi, ce que je ferais, c'est que je ferais genre de rien. Vent passe. Moi, ce que je ferais, j'irais le voir. Je le ferai genre de rien, je lui fais. Puis après je le ferai. Je t'ai bien l'éclaté. Rien compris, Flou, à ton explication. Est-ce que tu peux recommencer? Je n'ai rien compris. En même temps, c'est une explication de fou. Ouais. Et je lui dirai, tu t'es bien éclaté avec l'autre poufiasse. Et là je fous une baffe. Et comme ça il a bien la carte. Ouais, bon ah, finalement j'aurais peut-être pas dû prendre Flou. Ah si, c'est pas mal, moi j'aime bien moi. Ouais, après réflexion. Hey, Flou, est-ce que tu veux m'épouser? Quand tu seras grand. Peut-être. Ah, merci. Oh, quelle horreur. Oh là, je rappelle qu'on l'appelle Flo parce qu'elle est passée avec nous. Elle est passée avec nous jeudi dernier en nous racontant n'importe quoi. On nous envoyait une photo d'elle qui était complètement floue pour qu'on ne la reconnaisse pas parce qu'en fait elle s'était foutue de notre gueule au niveau de son âge. Et donc c'est depuis, bon, on l'a souvent et elle s'appelle Flo. Voilà, pour, voilà, pour, voilà la petite explication du flou en l'occurrence. Bon, ouais, mais non, mon lycée on appelle Flo. Eh ben c'est très bien. Même c'est les profs. Eh ben voilà, c'est Flou, pas Flo, hein. Flou, bien entendu, Flou comme une photo floue. Voilà, exactement. Bon, écoute Chloé, on peut réfléchir à une vengeance. Après, je sais pas quoi faire là ce soir. À mon avis, il faut le temps qu'on y réfléchisse. J'ai une idée. C'est quoi, Flou? Ben, en fait, elle invite Veto à venir quelque part, et puis elle va avec un autre mec, et... Enfin, elle est avec un autre mec. Mais non, mais elle veut pas d'autres mecs, elle est persuadée qu'elle est, elle est amoureuse de ce trou du cul. Mais ouais, mais même ça, ça changerait rien, parce que devant tous ses potes, il y a la dernière fois, j'ai un de ses potes qui a dit, oh, tu me prêtes ta nana pour un soir, parce qu'elle est archi belle, machin et tout, et lui, il a répondu, bah vas-y, si elle veut bien, pas de problème. Mais tu vois, ils sont pas ta gueule. Mais moi j'ai un pote qui a vécu un truc, mais je pense qu'au niveau du hardcore on est pas mal. Donc il devait partir en vacances avec sa meuf. Donc il arrive à l'aéroport, machin, la meuf elle est là, et donc au moment de passer le. Donc c'est la meuf qui a tout réservé et tout, au moment de passer donc le. La douane pas la douane, mais tu sais où tu poses tes bagages, ouais. Et ben en fait elle dit non mais en fait toi tu pars pas, je pars avec lui. Oh la salope. Oh la violon. Et le mec il est resté bon, à l'aéroport. Ah c'est énorme. Oh putain. Oh j'en ai rien à foutre, moi j'appelle la compagnie, je fais écouter, il y a une bombe dans l'avion. Ah oh, j'en ai rien à foutre. Mais il partira pas. Ouais, et la vengeance ça te sert à rien. Non mais sur le moment même, bien sûr, évidemment. Mais tu vois, là c'est une vengeance où c'est pas. Ouais, bien sûr que ça sert à rien, parce qu'au final c'est toi qui vas prendre toutes les emmerdes. Sur le moment même, t'as toujours des mauvaises idées. C'est pour ça que il faut jamais prendre une décision ou jamais, par exemple quand tu reçois un mail où on t'incendie ou que quelqu'un te fait une réflexion. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche, toujours. Faut attendre un petit peu. Voilà, tu laisses pisser un petit peu et après tu t'écriras ou tu répondras de manière vachement plus logique et surtout ce sera moins dangereux pour toi. Parce que quand tu réponds directement, hein, oh là là, et Dieu sait que j'en ai déjà payé le prix. Hein. mais voilà. Bon, attends, il y a aussi Logan qui voulait réagir. C'est bien d'avoir l'avis d'un mec, peut-être Logan 21 ans là. Salut Logan. Salut. Comment ça va? Oh bah nickel, et vous? Bah tranquille. Bon Logan, tu voulais réagir à Chloé, toi? Toi aussi t'es un enculé ou pas? Non, ça va. Ah d'accord, ok, alors vas-y, on t'écoute. Bah en fait je voulais savoir s'il avait pas genre un meilleur pote qu'elle kiffait un peu pour savoir si elle pouvait pas se venger avec lui et finalement faire des choses un peu sexuelles avec lui quoi. Bah visiblement même pas, puisque lui, le mec s'en fout, puisque tu sais, il y a déjà un mec qui lui a dit ouais tu me prêtes ta meuf, il a dit oui. Ah ouais d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, faut le larguer, faut lâcher l'affaire quoi. Ah oui, c'est un con jusqu'au bout hein. Ah ouais. Bah c'est pas un con, il a raison quelque part, il en profite hein. Mais enfin, non, je dis ça. Ouais. Non mais enfin tu vois c'est ouais, dommage quoi. Et le, ouais, et le c'est pire, dommage, c'est vraiment et qu'elle s'accroche quoi. Bah ouais, le pire c'est que ça marche, c'est ça le pire, hein, c'est évident. Mais bon bah écoute Chloé, là on peut réfléchir à une idée là comme ça ce soir, j'ai pas trop de plans, mais on peut réfléchir éventuellement faire ça demain si tu veux, si on a une idée en tout cas. Ouais, pas de soucis, ça marche, c'est très nickel. Bah oui, il y a Ariel qui dit le discours de Flou est aussi flou que sa photo. Et alors il y a Chloé, mords-lui la teub, quand tu le suceras la prochaine fois, c'est Xavier. C'est une idée. C'est ouais. Bah ouais. Non. Et moi je vais dire un truc, ça, vous allez trouver ça un peu bidon, mais je pense que le meilleur truc c'est d'avancer dans ta vie, de la réussir, et un jour tu le retrouveras minable comme il est. Toujours dans son quartier pourri, ouais. Et tu lui diras tiens ma gueule, je t'emmerde. Merci, la papa. Vie est un équilibre. Je vous en prie. C'est vrai, oui, la vie est un équilibre, c'est beau. Il y a un message qui est ici, casse les couilles. Ça veut dire que ça va raccrocher, je suis désolée. Ah merde, bon bah écoute, on te rappelle demain alors, c'est pas grave. Ok. Bon, salut Chloé, à bientôt. Au revoir. Allez, ciao. Bon, putain, dommage quand même. Hein. Bon, il y a un message qui est arrivé aussi qui dit Flo est parmi nous ce soir. Ouais. Bon surnom, Mickaël. Oh, écoute, avec plaisir. Et Jason qui dit je suis célibataire, si elle veut, je suis fidèle et j'ai subi la même chose que Chloé. Elle est de nous. Je peux l'aider et lui parler. Ah bah oui, pourquoi pas, Jason. Ça aurait été pas mal, ça. J'ai vu ton message trop tard. Mais appelle Sandro maintenant, tiens. 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, 02 851 4x0. Du coup, on te reprendra demain. Il y a le Bœuf Ferré qui dit appelle son mec, ça va être une tuerie. Il y a Téphénie aussi. Aussi, qui dit les connards ont des bonnes paroles pour nous avoir, et le prince Nadia qui dit mais laisse tomber, ignore-le, c'est la meilleure des vengeances. Mais c'est ce que je lui ai dit, mais ça a pas l'air d'être ça. Il y a Jay Spitz aussi qui dit faut que Chloé lâche l'affaire, des mecs bien sexistes, la vengeance ne sert à rien, il ne vaut même pas la peine qu'elle se casse la tête. Et Let's Be Free, c'est également qui dit ce qui m'énerve dans les transports en commun, c'est la vieille qui raconte sa vie alors que tu veux écouter de la musique. Oui, ça c'est vrai que ça peut arriver aussi, effectivement. Bon bah merci en tout cas Stéphanie d'être passée hein. Bah, de rien. Et bah voilà. Et puis Flou et Logan, merci aussi d'être passés tous les deux. Bah, de rien, c'est un plaisir. Oh là là, Flou, par pitié. Bon, bah d'accord, mais tu restes à côté de Polo alors. Ok. Bon, ça marche. Bon, bah reste là, Flou. Bon, Logan et Stéphanie, merci à vous deux. Merci à vous. Reste avec vous aussi. Bah, si tu veux, Steph, pas de problème. Bon, ouais. bah, reste avec nous, Steph, bouge pas. Logan, salut à toi. Hein. Salut à vous, bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci. Oui, tu disais. Non, ah, d'accord. Plus. Bon, mais d'accord, ok, très bien. Mais merci beaucoup, Logan. Retour avec Fabrice dans quelques minutes avec le contrôle de flic. Il y a Thomas et Boris qui voulaient réagir par rapport au transport en commun, là. Ce qui peut vous rendre fou, justement, dans les transports en commun. Et puis, on va se faire un petit appel maintenant, là. Mais allons-y. Puisque je rappelle que nous sommes tombés sur une information très importante. Une étude allemande qui disait que, apparemment, plus on faisait l'amour, moins on avait de chance d'avoir la grippe. Ben voilà, moi je suis là pour aider les gens à voilà. avoir la grippe avec mon vaccin personnel. Mais oui, et nous sommes tombés sur quelqu'un de très sympathique tout à l'heure qui a répondu ça. Va voir ta grosse mère. Elle est en train de se faire niquer dans un champ de bites, espèce de con. Voilà. Suceur de queue. Mais va voir ta mère, enfant de putain, oh. Voilà, très sympathique, très gentil, très cordial, très bon, enfin bref. Et donc du coup, on va en appeler d'autres. Les numéros que vous nous avez envoyés, bien entendu, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. C'est parti, on y va, on en appelle encore un à 1h23 en direct. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oh putain. Rapide, efficace. Ouais. Ah ouais, là, putain, j'allais dire en direct sur Fun Radio, oui, ça, ça a été directement raccroché. Allez, c'est reparti, on rappelle cette charmante dame. J'ai dû avoir un premier son. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui ? Oui, non, je disais, nous avons été coupés. Oui ? Voilà, non, je vous appelais parce que, voilà, je vais venir faire l'amour à votre femme deux fois par semaine. Ouais, moi aussi. Ah bah non monsieur, parce que en fait moi j'ai pas de femme, mais moi c'est pour aider votre femme à pas attraper la grippe. Ouais. Voilà, donc comme si elle fait deux fois l'amour par semaine, elle a moins de risque d'attraper la grippe, comme ça au moins elle sera protégée. Et c'est tout, t'as que ça qu'à dire. Je crois que tu vas me casser les couilles comme ça. Allez, nique ta race. Raccroche. Mais je comprends pas monsieur, pourquoi vous le prenez comme ça? Moi je veux vous rendre service. C'est un bouffon qui délire, en fait. Il dit qu'il va venir te baiser deux fois par semaine. Oui mais c'est pour lutter contre la grippe monsieur. Ouais, je vais t'en mettre une de grippe tu vois. Oui parce que vous avez oublié de le dire à votre femme que c'était pour lutter contre la grippe. Ouais. Allez, t'as fini? Bah oui, moi j'ai fini, j'attends qu'on prenne rendez-vous monsieur. Vas-y, allez, prends rendez-vous. Bah qu'est-ce qui vous arrange alors monsieur? Ah, de te raccrocher au nez je pense, oui. C'est ce qui l'arrange le mieux hein. Oui, a priori, c'est toujours sympa. Bah voilà. Bon, non, chérie, je peux te faire cocu aussi dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis le son d'Hardwell qu'on écoute tout de suite, c'est le nouveau. Ça s'appelle Dare You sur Fun. Le nouveau son d'Hardwell sur Fun Radio, c'était Dare You. Et puis on va se faire le chérie, je peux te faire cocu aussi dans quelques minutes. Avant ça, on va quand même prendre Fabrice avec nous de Rennes là. Bonsoir Fabrice, enfin rebonsoir Fabrice. Salut, ouais, rebonsoir. Bon alors, qu'est-ce qui t'est arrivé mec? C'est quoi ton problème d'arrestation là? Ah bah je me suis fait prendre avec un peu de bœuf sur moi. Ah bah bravo. Ouais. Hein? Félicitations là. Ah, ils arrivent, attention, hein. Planque-toi là. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Bon, qu'est-ce qui s'est passé Bah, un contrôle banal, quoi. Ouais. Et bah, il y avait les douanes et tout avec les chiens et tout, et ils fouillaient toute la bagnole, avec le chien dans la bagnole et tout. Mais attends, mais t'avais quoi, la consommation perso ou t'avais une remorque perso, j'avais... Moi j'avais 1,5 kg, enfin je comprends ouais, pas. Ouais, c'est ça ma consommation personnelle, quoi, non? Non, j'avais à peine 3 grammes. Et ils t'ont fait chier pour 3 grammes? Bah, j'ai rendez-vous cette semaine à la gendarmerie, donc je sais pas ce qui va se passer en fait. Bah, j'en sais rien, mais je pense pas que tu risques grand chose. Hein, non, mais ils vont te faire un. Un lavement, ils vont te laver la bite. Non, ils font une espèce d'enquête de routine. Mais pour... je crois qu'il y a un toucher rectal également, non? Ouais. Qui est prévu. Ou un point, carrément. Voilà, on peut mettre ça, le ouais. point là. Ouais, non, mais qu'est-ce qu'il t'a dit le flic? T'as pas demandé? Ah, bah, il m'a dit non, parce que j'allais au boulot le jour-là, et du coup, il m'a dit, on se revoit cette semaine. Ah, c'est cool. Fini, d'accord. Ouais, sincèrement, je pense pas. Dites-nous, tiens, si vous avez déjà fait choper, ou même s'il y a des flics qui nous écoutent éventuellement, là, qui nous appellent 01 42 48 5000 pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il risque, qu'est-ce qui va lui arriver, et voilà, en gros. Mais je sais plus, moi j'avais vu dans un reportage genre sur M6, ou enfin, tu vois, les enquêtes exclusives, enquêtes spéciales. Ouais, enfin bref, une enquête, quoi. Voilà, et je crois par contre que tu vas être fiché aux empreintes génétiques.

enchanté. Toff a fait beaucoup de conneries. Tu peux l'arrêter. Oui. Demande à ton père de venir l'arrêter. N'hésite pas, hein, surtout Pauline. Hein. Oui, oui, en plus il est gradé, donc. Oh, mais et gradé à quel point? Lieutenant. Ah oui, c'est pas mal. Comme Colombo, lieutenant Colombo. Voilà, c'est le même. Il a aussi la perméable et la Peugeot ou pas? Et le chien? Il a pas le chien, mais. Mais il a la Peugeot. D'accord, ok. Ça rigole. Bon, alors Pauline, bon, qu'est-ce qu'il risque alors Fabrice là? Il s'est fait choper par les flics, avec 3 grammes de bœuf. En fait, avec 3 grammes, il peut. En fait, déjà, il va se faire que. Comment dire? Je crois qu'il va dire. Bah, déjà, il va aller se reculer. Non, faut pas exagérer. Non, en fait, il va être convoqué par les flics et après, ils vont lui faire ça. Donc, il va passer au toucher rectal. Non, il va. Non. Non, il va. Oh, merde. Il n'y a pas de fou, il n'y a rien. En fait, il va passer même un petit doigt au tribunal et il va avoir 6 mois de, déjà sûr de retrait de permis. Une phalange? Mais, ah ouais. Mais t'avais fumé Fabrice ou t'avais juste sur toi? Ah non, ils m'ont pas fait de test salivaire ni rien. Ah ouais, mais même quand ils ont de la bœuf et tout, de toute façon tu vas avoir les tests, tu vas avoir prise de sang, ça c'est clair, obligé. Ouais. Et puis jeune drogué. Et ça reste un an dans le corps, je crois, c'est ça? Ah ouais, mais de toute façon, non, c'est un an dans les cheveux. Dans les cheveux, ouais. Ah ouais, vous trouvez des traces de bœuf, de shit. Ouais. En réalité, si vous fumez, rasez-vous les cheveux. Non, mais donc, tous les sportifs qui sont rasés, pose-toi des questions. Ouais, c'est ça, quoi. Ah. Eh oui. Ah ouais, putain, je savais pas, ça tient. Bon, bah, très bien. Ouais, c'est un an dans les cheveux, et après, dans le sang, ça dépend combien de fois tu fumes dans la semaine, ou un truc comme ça. Mmh. Voilà. Et c'est sûr, t'as 6 mois de retrait de permis, mais que tu... T'es sûr qu'il y a même un petit doigt, ils vont pas lui mettre dans le cul, non? Non, ils vont pas aller vérifier. Ah, ça, j'en sais rien, hein. Ça dépend des gendarmes qui se trouvent, apparemment, il est de Rennes, c'est ça? Enfin, je sais plus. Ouais, il y a Rennes. Bah, en plus, à Rennes, ils sont spéciaux, hein, donc... Ah bon, pourquoi? C'est les Bretons. Hey, t'as un chouette rire, Pauline. Ouais, je sais, ouais. C'est bien, c'est bien. Bon, bah, non, voilà. Mais je suis bretonne, donc je sais de quoi je parle. Ah, d'accord. Bon, Fabrice. Ouais. Bon, comme ça, tu sais ce qui t'attend, hein, grosso modo, hein. Sale con. Ouais, ça fait un peu chier, 6 mois de suspension, quoi. Ah, ouais. Bah ouais, mais c'est confirme. Bah, c'est pas grave, tu vas t'acheter un vélo, ça ira aussi bien. Bah oui, tu vas voir, en plus, c'est bien. Il y a Devers45 qui, vous êtes des ouf, là, vos histoires à mourir de rire chaque soir. Gros bisous, l'équipe. Merci, Devers. Il y a Olivier également qui dit, salut, Mickaël, moi, j'ai un poste qui s'est fait choper aussi par les flics. Et ils lui ont juste ouvert un casier judiciaire, comme quoi, il s'était fait choper avec du shit et rien de plus. Donc, je pense qu'il ne risque pas grand chose. Bah, à voir, en tout cas. Storandranda aussi qui dit, you're the best, Michael. Merci, Storandranda. Et Moms qui dit, moi, j'ai pris un contrôle parce que j'ai grillé un stop. J'étais en pantoufle, j'avais pas les papier, pas de contrôle technique, j'ai pas renouvelé ma carte grise au bout de 3 ans, du coup immobilisation de ma voiture, j'ai fini au poste en pantoufle, mais j'ai récupéré ma voiture le lendemain, j'ai dû payer 600 boules. Ah ouais, putain, ouais, d'accord, ok. Bah en même temps, quelle idée d'avoir tous ces problèmes là, tu vois. Mais oui. C'est-à-dire qu'à un moment, tu tends le bâton, tu te fais choper. Hein. Et Johan qui dit, je me suis fait choper avec 2 grammes, j'ai eu une nuit au poste, un rappel à la loi et fichier aux empreintes avec 3 grammes, il risque pas grand chose au final. Bon, bah voilà, écoute, on verra bien. Mais tiens-nous au courant, hein, Fabrice. Ouais, normalement, j'y vais soit demain, soit vendredi au poste. Donc. Bon, bah, soit tu nous rappelles demain si tu y as été, soit tu nous rappelles dimanche. Bah ouais, ça marche, y a aucun souci. Ouais. Bon, mais elle est toute Bretagne, la fille, là. Elle est... Bah là, elle est à Tarbes, mais tu venais d'où à la base, Pauline? Moi, je suis... j'ai fait pas mal de choses, vu que en tant que fille de gendarme, j'ai pas mal bougé. J'ai été près de Rennes, j'ai été vers Saint-Malo. Ah ouais. Enfin, voilà. Le plus près de Rennes, j'ai été à Saint-Malo. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi Fabrice, tu voulais pécho? Bah pourquoi pas, on sait jamais. Ah bah là, elle est dans les Hautes-Pyrénées, donc tu es un délinquant. Ça va être... Oui, en plus, t'es un délinquant, Fabrice, voilà. Tu es un drogué. Ouais, non, je crois pas que ça va plaire à mon père, en fait. Toxicomane. J'ai dû le dire, ça. Voilà, papa, je te... Mais t'inquiète pas, c'est en même temps, c'est papa, je te présente, avant même de dire je te présente, il a déjà été tout été vérifié. Hein. Ouais. Ah, et si le casier était vierge, s'il n'y avait pas eu d'enfube, de magouille, etc. Rectal, etc. Ah ouais, c'est clair, ouais. C'est clair. Ça fouille, ouais. Bah, oui. Bon, bah, Pauline, bah, je te remercie de passer, en tout cas, je te fais des bisous. Ouais, bah pareil. Et puis, franchement, vous êtes formidable. Franchement, je vous écoute tous les soirs. Oh bah, c'est gentil. C'est vraiment super. J'ai même écouté l'émission avec Starflore, merci. D'accord. Et comment dire, franchement, c'était super bien. Je me suis éclatée. Et, voilà, vous êtes super. Oh bah, c'est gentil, merci beaucoup. Et garde à vous. Ouais. J'ai des PV. Allez, rompez. Merci. Pauline, si j'ai une prune, oui. Je peux t'appeler? Non, on les fait plus, les prunes. Hein. Oh, c'est automatisé, mais non. Ouais, mais il y a toujours moyen quand tu l'as avant l'automatique, non, malheureusement, non, parce que je me suis fait prendre aussi, tu vois. Ah, c'est plus possible. Papa n'a rien pu faire pour toi. Ah, ouais. Et non. Ah, et c'est bien, il n'est pas corrompu. Oui, bah ça va, ça fait 30 ans qu'il est dans le service, ça va. Ah oui, quand même, effectivement. Bon, ben gros bisous, Pauline. Bah, gros bisous à vous aussi. Ciao, Pauline. Bisous, ciao. À bientôt, bye. Et bah, Fabrice, c'est nous au jus, hein, d'accord? Ouais, ça marche. Eh, ça serait possible de passer flûte. Tu veux flûte. Je peux proposer flou de flou. Ouais, voilà. Ouais. La chanson la plus lourde du monde. Mais ouais. Flûte. Attends, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? Flou doit connaître ça. Tu connais pas flûte ou flou là? Attends, non, mais ça s'écrit comment? Bah, comme une flûte. Ah, tout ce que j'ai trouvé en tapant flûte de flûte, c'est ça. Et une fois au stage, eh ben, je m'étais enfilé une flûte dans la chatte. Ah oui, quand même. Voilà. American Pie. Ouais, mais donc, alors ça s'écrit comme une flûte, alors F-L-U-E-T. F-L-U-T-E. Ouais. Ah ben non, désolé, on n'a pas ça dans la machine, mec. Hein, mais toi, va regarder immédiatement sur internet si on trouve quelque chose là. Non, attends, je vais te dire ça normalement. J'ai Get Lucky à la flûte. Get Lucky. Ah ben, laisse m'arrêter, tiens, Get Lucky à la flûte. Tu veux Get Lucky à la flûte? Non, ça non, on n'abuse pas. Tu veux dire quoi, flou? Ma petite soeur, elle aussi, elle a eu des petits problèmes avec la police. À quoi? En fait, on a entendu parler de sa classe à la police, carrément. Bon, est-ce que tu peux d'abord te déboucher le nez? C'est très désagréable. Ma petite soeur, ils ont entendu parler de sa classe. Merde, excuse-moi. À la police. Ils ont entendu parler de sa place à la police? Sa classe, et... Ben parce qu'en fait, ils fument, ils brûlent les manteaux à leur collège, n'importe quoi. Oui, effectivement, ouais. C'est la nouvelle mode, brûler les manteaux. Brûlez-lui son manteau. C'est la nouvelle mode, brûler les manteaux des autres. Et file-moi un bonbon, sinon je te brûle ton manteau. Ah ouais, c'est original. Ah ouais, attention, la caïra, attention, oh là là. Bon, on a trouvé flûte de flûte ou pas? Bah non, mais alors, c'est flûte de Thomas Hewson. Ah bah oui, tu dis flûte de flûte. Bon, alors, comment tu veux qu'on s'en sorte? Bon, c'est flûte de Thomas Hewson, c'est ça? Ouais, voilà, Newston. Ah, Newston. Oui, mais bon, alors ouais. Attends, on essaie de trouver là parce que... C'est pas facile. Hein. Sinon, au pire, tu l'écoutes chez toi. Hein. Oui, c'est vrai que c'est une idée éventuellement. À la cool. Non, mais ouais. Vu qu'elle est déjà passée sur Fun, je pensais que vous l'aviez. Ah bon? Bah oui. Écoute, ouais, mais dans Party Fun, c'est passé. Ah, peut-être bien. Ouais, je crois que... Mais dans Party Fun, les DJ, ils viennent avec leur disque, hein, tu vois. Donc, tout n'est pas forcément dans la machine. Bon, est-ce qu'on l'a, ce morceau, ou pas? On l'a pas. Même sur YouTube, y a pas. Ah, si. Ah, si, je l'ai peut-être, là. Ah, peut-être. Alors, attends, on va mettre un bout pour voir. Attends, on met un bout ou on met pas un bout? Bah tu peux y aller là, ça charge. Bah ouais, mais là il y a pas de son là. Non c'est la pub là, faut attendre. Ah c'est la pub, ah putain. Ouais parce qu'on écoute, hein, on a dû regarder sur YouTube, hein, Fabrice. Bon alors attendez. Voilà, ouais, c'est bon. Et là il se passe rien. Mais rien ne fait rien. Bah non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas du tout. Ouais c'est pas grave, sinon vous passez du Jersey. Ouais bah tu sais quoi, on va mettre Nicky Romero. Bah, de toute façon, je crois que j'ai pas le choix, donc. Là, tu m'as pris un peu de cours, là. J'ai pas dans la machine, donc là, si c'est pas dedans, c'est compliqué, hein. Et même sur YouTube, ça galère, donc, mais. Je vais mettre Pierre. Attends. Ah, voilà, on a le son. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un remix de. Ça, c'est du bon son, ça. Ah oui, il y a la flûte, hein. Ah, il y a Polo. Ouais. Ah bah oui, c'est le même. C'est Polo qui fait le son. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah, c'est original, hein. Ah, on se croirait en Flandre. Oui. Ouais. Tu sais, les boîtes, là, bah, ouf. Écoute, pourquoi pas, demain, j'irai dans le bureau du programmateur pour lui demander s'il a le CD, parce qu'avec le son de YouTube, il est dégueulasse. Mais si on l'a demain, oui, pourquoi pas, oui. Ah ouais, ça serait nickel ça. Eh ben écoute, je vais essayer de le demander demain. Toff va essayer de me le rappeler pour pas oublier. Ouais, ça marche. Voilà, comme ça c'est noté. On peut de faire une petite dédicace ou quoi? Allez, vas-y, à une personne, vas-y. Bah, vous, à toute l'équipe, là, vous déchirez tous les soirs. Là, oh, c'est vous gentil. Vous tenez réveillé. C'est gentil, bon, merci beaucoup. Bon, ben, salut okay. Fabrice. Ouais, il y a moyen de gratter un petit truc. Eh ben, tu vas gratter le dos de Sandro, ah, si tu veux. C'est pour ça qu'il a fait une dédicace. Voilà, c'est ça, ouais. Tu peux aller gratter le dos de Sandro, si tu veux. Ça dépend. Ah bah écoute, je te la passe et tu gères avec elle alors Fab. Ça bon, allez, salut à toi Fab. Ouais, salut. Ciao, bye. Y a Hamid qui est avec nous également là. Salut Hamid. Salut Mickaël. Comment ça va? Ouais, ça va, tranquille, ouais, ça va. Bon. Ouais, j'ai attendu, ça fait quoi, 34 minutes que... Ah oui, et tu sais, c'est pas le record, hein. Ouais, je sais, ouais, heureusement. Il y a le pauvre Boris là qui attend depuis 50 minutes, le malheureux là. T'es là, Boris? Ouais, ouais. Ah voilà, bah attends, du coup Hamid, comme t'es là depuis 34 minutes, tu vas encore un peu attendre. Boris, Boris qui est avec nous et qui voulait parler des transports. On en avait parlé en début d'émission, enfin pas en début, mais il y a quoi, il y a une heure, de savoir ce qui vous rendait complètement ouf dans les transports en commun. Alors c'est quoi qui te rend dingue toi, dis-moi Boris? Bah, déjà sois le bienvenu. Bah ouais, salut à tous. Donc voilà. Moi là par exemple demain je monte à Paris et je monte souvent en ce moment et la dernière fois que je suis monté c'était pour la Paris Games Week et je suis monté dans le métro et il y a une meuf complètement défoncée qui chantait et qui fumait un pet, ça je supporte pas les gens qui s'affichent dans le métro, ça me saoule. Donc c'est pour ça. Ah oui, t'avais un gros coup de gueule toi carrément. Ah oui non mais c'est, je, ça c'est qu'on respecte le ouais, qu'on respecte. Respectons les gens, l'usager. Ouais. Voilà. Mais tu sais en même temps dans les métros et particulièrement dans les grosses villes comme Paris, effectivement le soir tu peux, même la journée, tu peux tomber sur des vraiment des gens bizarres. Hein. Mais et le pire c'est à New York. Bah oui mais par contre à New York t'as moins. Enfin je sais pas, les gens sont pas dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que tu peux tomber sur des mecs complètement barrés, mais. Ouais. Ils vont pas t'embrouiller. Enfin, évidemment, il y en a qui vont t'embrouiller, il y a aussi des connards partout. Mais je veux dire, en général, ils s'embrouillent entre eux. Mais ils vont rarement venir t'emmerder. En tout cas, toutes les fois où j'ai pris le métro là-bas, j'ai jamais eu de problème. Et chaque fois qu'il y avait des petits trucs un peu tendus, bah c'était toujours entre eux, quoi. Tu vois, ils étaient. C'est normal. De quoi? J'ai dit c'est parce que t'imposes. Oui, ah bah tu as, t'as raison. Oui, bah oui, j'impose grave. Oh là là. Ah ouais. Quelle musculature. Oh là là, Musclor. On m'appelle Musclor dans les bureaux. C'est vrai, c'est vrai. Bah c'est oui, vrai. Bah attends, bah, bien sûr, il est tellement balèze, Mickaël. Il mais complètement, pas, hein. complètement. Bon, et du coup, donc toi, c'était le coup de gueule. Il y a Thomas également de Saint-Etienne là. Salut, Stéphanois. Salut. Comment ça va? Bah ça va tranquille Thomas. Alors, j'allais t'appeler Steph comme un con. Bon Thomas, alors toi tu voulais réagir aussi par rapport à ça toi? Ouais, par rapport au transport exactement. Ouais. Alors dis-nous. Alors moi il y a un truc que je déteste parce que je prends quand même souvent l'avion. Et il y a un truc que je déteste, c'est être assis à côté de gamins. Ah putain, ça c'est une galère. Ah, c'est horrible. Le pire, c'est dans l'avion ou dans le train quand ils se mettent à pleurer que tu peux rien faire. Par rapport à l'avion surtout, ouais. Ouais, mais quand ils pleurent ou alors quand ils. À la limite, quand ils pleurent, bon, tu vois, il peut rien ou il a faim ou il a un problème, bon voilà. Mais ou il a mal aux oreilles, enfin bref, il y a toujours une raison. Alors c'est vrai que quand tu dors, c'est une galère, mais bon, il y a une raison. Mais le pire, et là, t'as envie de taper la tête des parents, c'est quand t'as le petit, il y a 2, 3, 4 ans. Et qui tape sur le siège, qui est le tien, donc à lui il est derrière, et qui tape sur le siège, et les parents ils s'en branlent. Ils s'en battent les couilles. Et quand t'as un vol de 8 heures, t'es content. Hein. Ah bah je te confirme, alors là, c'est clair. Ah, mais pourquoi les enfants voyagent? Ça devrait être interdit par la loi. Des longs voyages comme un gros connard quand même. Non mais c'est vrai que ça peut être une galère dans les transports en effet. Ouais. Et puis même parfois aussi, tu sais quand tu transportes quelqu'un, bah, moi par exemple tous les soirs je ramène tout le taxi et c'est une galère quoi. Pourquoi? Bah parce qu'il arrête pas de parler, il faut qu'il se la ramène. Mec, je te tiens compagnie. Compagnie, tu parles. Eh ben très bien, je ne montre pas. Eh bien parfait. Je te déposerai en autolib si tu veux. Non, c'est génial. Je préfère aller à pied. Bah tant mieux, c'est parfait. Bon bah merci Thomas et Boris d'être passés. Vous restez là, on va vous filer un petit pack. Il y a moyen de passer un dédicace? Bah vas-y Boris, dis-moi. Merde, excuse-moi, je trompe le bouton. À mon meilleur ami Nicolas et à vous parce que vous gérez, je vous suis depuis énergie avec une. Oh, c'est gentil Boris, voilà. Un vieux. Il y a moyen de gratter, pas un pack, mais une photo dédicacée. Alors on n'en a pas, mais bonne nouvelle, on aura dans 15 jours, elles arrivent. Gratte-toi le cul en attendant. Ouais, dans 15 jours, elles arrivent les photos, donc on ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça tu peux faire aussi, pas de problème. Bah merci Boris en tout cas. Bah de rien, merci. Salut, et à bientôt Boris, ciao à toi. Salut Thomas, à bientôt aussi. Allez, ciao, bonne soirée à tous. Ciao, merci beaucoup. Bon, vite fait, alors Hamid qui voulait parler à Stéphanie. Alors Hamid. Oui, c'est ça. Bon, oui. Stéphanie, t'es toujours là? Oui. Bon, bah je te présente Hamid qui voulait te parler, hein. Je sais pas ce qu'il te veut, mais bon voilà, Hamid, Stéphanie Hamid. Bah je sais pas. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, enchanté de te connaître Stéphanie, tu vas bien? Oh, il est mauvais. Bah très bien toi. Ouais, ça va. Tu sors de queue. Où t'habites? Dans le 9-4. Dans ta bite. Connard. Ah, j'habite à Lille, ouais. Allez, vous faites enculer profondément. Juste à côté du 9-4. Ouais. Ça fait un peu loin quand même. Hein. Bon, c'est à côté, c'est à côté avec le TGV, c'est à côté. Je peux me déplacer parce que j'ai un moyen de locomotion, donc là, j'ai une voiture. Donc. Alors que moi, j'habite beaucoup plus près du 9-4, je déposerai un ami qui habite dans le coin. Ah non, j'habite loin, moi, j'habite de l'autre côté. Moi ça me dérange pas, le mois prochain je suis toute seule à la maison donc Ah bah écoute. Ah, et comme Toff, t'as pas d'appartement en plus. En plus, donc Stéphanie, combien mesures-tu? C'est 1m70. Combien pèses-tu? C'est bon ça. 80 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 210B. Combien? D comme Denise? Oui. Mais c'est pas possible. Et la fille je te rappelle qu'on a eu Chloé tout à l'heure, c'est du G hein. Ah ouais. Elle avait du G. S'il vous plaît. Non mais attends, elle avait non, mais moi je peux vous envoyer une photo si vous voulez. Non, mais les nibards, moi je veux les nibards. Je veux qu'il soit là chez le vent. Bon, je rappelle que si vous êtes une fille, vous pouvez toujours envoyer des photos parce que depuis qu'il en demande, il n'en reçoit jamais. Ouais. À polo@funradio.fr, la seule chose qu'il a reçue, c'est une saucisse et une choucroute. Et des menaces de mort. Voilà. Donc n'hésitez pas, bien entendu, polo@funradio.fr. Tu peux y aller aussi, Stéphane, il n'y a pas de problème. Bon, Hamid. Oui. Bon, alors continue. Eh, mais il faut les huiler, hein, tes gros nibards. Hein. Non, mais le téton soit luisant. Ouais. Stéphanie, t'es célibataire ou t'es en couple? Un peu des deux. Allez vous faire enculer profondément. Elle est en C'est compliqué. Voilà, elle est en C'est compliqué sur Facebook, voilà. C'est ça? Elle est en relation libre, c'est ça, en relation libre. Relation libre. Disons ça comme ça, une relation libre en fait. Mais c'est quelle partie qui est célibataire? C'est les nibards ou pas? Est-ce que c'est les seins? Ça dépend des jours. Est-ce que je peux me mettre nu et me glisser entre tes gros seins là, comme ça? Tel un ver de terre. Et après il s'essuiera dans tes cheveux. Bah, avec plaisir. Ah bah voilà, elle est disponible. Alors, non, tant je mieux, suis hein. Fidèle à Stéphane. Mais oui, ah bah oui, c'est vrai, oui, parce que je rappelle qu'il a fait son coming out depuis ce week-end, Polo, hein, puisqu'il sort avec une fille qui s'appelle Stéphane. Non, je sors pas avec elle. Ah pardon, bah, comme tu dis, tu restes fidèle, je pensais fille, que... Hein. Oui, une fille qui s'appelle Stéphane, bien sûr, tout à fait. Oui, t'inquiète. Évidemment, il n'y a pas de problème. Bon, donc du coup, Hamid. Oui, je t'écoute. On en était où, là? Ouais, je sors, comme elle est en relation libre, je sors, elle fait quoi dans la vie? Si elle est étudiante ou elle travaille? Je travaille, je suis animatrice pour enfants. Ah, c'est pas mal, parce que j'ai ma soeur qui est animatrice pour enfants aussi. Ah bah, quel bois commun. Et moi je suis ingénieur en génie civil. Ingénieur sans jette, hein, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bah, plus ça quand même. Comment? Parce que tu parles un peu vite, Hamid, hein, parfois on comprend pas tout. Hein. Non mais bac plus 5, mine de rien. Ah, quand même, c'est pas mal. Bon, et Juste une info en fait, t'as quel âge? J'ai 30 ans. Ah. Oh d'accord. Pourquoi c'est trop vieux? C'est trop jeune? Non, ça va encore, limite, ouais, ça va. Ah ça va, ça va limite. Ah dis donc alors, dis donc, est-ce qu'on peut rester un peu poli s'il vous plaît là? Non mais n'importe quoi. T'as ami, il dit des gros mots. Ben oui, c'est ça. Bon. Ah bon, c'est poli moi. Bon, Hamid. Oui, je t'écoute. Là, on fait un peu du surplace. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner ton numéro à Stéphanie et après, si elle te rappelle, elle fait ce qu'elle veut, elle te rappelle ou pas? Ouais, oui, de toute façon, au pire, ils feront Hamid. Moi, ça me dérange pas. C'est drôle ça. Moi ça me dérange pas, donc. Très bien. Moi, ça me dérange pas, donc. C'est à elle de décider. Hein. Oui, elle bah voilà. Les cartes en main. Exactement. Et j'ai juste un message pour Toff. Toi, espèce de gros temps que tu es de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Voilà. Bon, on fait comme ça, Hamid et Stéphanie. Oui, pourquoi pas. Bon, bah très bien, bah, alors plutôt comme ça, alors parfait. Bon, bah salut tous les deux. Salut, ciao à vous, bye bye. Bon, on fait encore un petit appel hein, en speed avant de partir. Allez, pour se finir. Bah pour se terminer, hein, parce que je rappelle que depuis tout à l'heure, c'est un sondage allemand. Oui, c'est anglais. Qui fera un plaisir. Sondage allemand, exactement, puisque ce sondage allemand dit que on a moins de chances de choper la grippe si on nique souvent. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. Hein. Bah oui. Voilà. Donc on y va, on va appeler maintenant. Allons-y. Allez, dernier appel. Merci pour tous ceux qui nous ont envoyé des numéros. Hein. Sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va, dernier appel. Pour aujourd'hui du moins, 2h06, on est un peu à la bourre. Et on fera le top plus tôt dans quelques minutes également. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait je vous appelais parce que je voulais venir faire l'amour à votre femme deux fois par semaine. Ouais, vas-y, précisez votre pensée. Ben non, c'est juste que comme il paraît que ça aide à lutter contre la grippe, du coup je me dis que ça l'aidera à pas tomber malade cet hiver. D'accord, bah écoutez, venez plutôt quel jour alors? Bah écoutez, moi ça m'arrangerait qu'on fasse ça le mercredi et le samedi. Hein, d'accord, très bien. Si ça va pour vous. Et autrement, je vous la mets profonde comment? Non, c'est moi qui vais la mettre à votre femme, monsieur. Ah, d'accord. Ah, bah oui. Intéressant. Bah oui. Sinon. Alors, est-ce qu'on peut préciser un petit peu plus vos pensées Bah, il n'y a pas plus à préciser. Moi, c'est tout ça est médical et pour rendre service, monsieur. Moi, je lui fais l'amour deux fois par semaine pendant l'hiver. Elle tombe pas malade et tout le monde est content. Et vous me remerciez à la fin de l'hiver. Vous êtes hyper intéressant comme gars. Bah, je trouve aussi, monsieur. Ça me fait plaisir que vous. Je pense que vous êtes un sacré petit guéluron. Hein, on appelle ça des guélurons, des gens qui s'amusent au téléphone. Mais écoutez, monsieur. Avec un gros fond de pensée derrière. Mais un QI de 2. Hein, ça doit être à peu près ça. Vous êtes très gentil, monsieur. Eh ben, écoute, c'est gentil, monsieur. Et vous passez pour un abruti, un peu. Ah bah non, monsieur, attendez, moi je viens pour rendre service. Ah oui, c'est ça le but du jeu, c'est ça. Vous êtes de faire passer les gens pour un abruti. Non, c'est pour rendre service, monsieur. Oh, bah vous êtes très gentil. Bah, je suis content. Et bah, je vous emmerde très profondément, et je vous la mets très profonde. Mais et n'hésitez pas à rappeler, avec grand plaisir, petit enculé. Au revoir. Bon, on va le rappeler puisqu'il vous propose gentiment. Là. Il dit que c'est avec plaisir. Bah oui. Bon, hop, on y retourne. Bon. Tu l'auras générique aussi de fin, là. Il y a Maëva qui voulait chanter avec nous. Bah, très bien. Allô, j'ai un petit enculé au bout du fil. Bah oui, vous m'avez proposé de vous rappeler, alors moi je vous rappelle. Oh, monsieur. Mais vous êtes très gentil, petit enculé. Bah oui. Et ça vous amuse longtemps. C'est-à-dire. Bah, c'est ça. Bon, allez, au revoir. Ah bah non, monsieur. Non, monsieur. On va pas se quitter comme ça maintenant qu'on. C'est tout ce que vous avez à répondre. On est presque bons amis. Bah oui, mais vous êtes très gentil, hein. Mais je vous fais pas dire, monsieur. Ouais. Hein, et donc c'est pour ça que. Et alors les deux neurones qui te restent, tu veux pas les passer à appeler quelqu'un d'autre? Bah, vous m'avez dit que je pouvais vous rappeler, monsieur, alors. Oui, moi, allez, au revoir. Hein. Ah, on se rappelle plus alors. Mais t'es gentil, ouais. Allez, au revoir. Hein. Oui, mais alors on peut se rappeler ou pas? Allez, au revoir. Allez, raccroche, c'est gentil là. Bah non, monsieur, c'est vous. Allez, raccroche. Moi, c'est gentil. Moi, hein? Je veux pas raccrocher, monsieur. Ouais, de vos petits. Ouais, t'es gentil, au revoir. Hein? Moi, j'aimerais bien qu'on. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça, t'aimerais bien. Arrête de bafouiller. Hein? Mais on peut s'arranger ou pas? Allez, au revoir. Hein? Hein? Allez, fais le premier pas, raccroche. Sois bah, gentil, hein. Bah non, allez. Moi, je vais pas raccrocher, monsieur. Allez, raccroche. Moi je pense qu'on a un bon feeling. Allez, sois gentil, raccroche. Et je pense qu'avec votre femme, il peut se passer un truc, hein, monsieur. Oui, t'es un grand garçon. Allez, au revoir, hein. Ah bah ça y est. Il est un grand garçon, hein. C'est lui qui a lâché le premier. Hein. C'est vrai que c'est lui qui a lâché le premier, il y a Vincent qui dit ce petit enculé au bout du fil, bah oui, hein, Soum Soum qui dit un cuit deux morts de rire, le pire c'est qu'il a raison. Ariel qui dit putain il est trop bon lui, dit Jérôme qui dit un guéluron, eh oui le guéluron, et Stéphanie qui dit autrement je voulais même profond comment. C'est vrai que la question était pas mal. Et Ariel qui dit aussi sur le Twitter la polo en trois mots, cul, seins, cheveux, tout un programme. C'est vrai. Et Clem qui dit je confirme Thomas Newson, c'est de la patate. Ben on le mettra demain alors, hein, pas de problème. Stéphanie qui dit oh putain la réplique d'American Pie qui arrive comme ça sans prévenir tout à l'heure, c'était magique. Et enfin Nicolas aussi, je suis adjoint de sécurité dans la police nationale, il ne risque rien si c'est la première fois. Ah ben voilà, désolé, j'ai lu le message un petit peu tard. Et alors Greg qui dit ce qui me fait chier quand je prends l'avion, c'est quand t'as besoin d'aller aux chiottes et que t'es assis entre deux personnes qui dorment, tu sais pas si tu dois les réveiller ou pas. Ah ouais, et pourtant c'est la place préférée de Polo, toujours au milieu. Arrête, ouais. Je déteste il adore, voilà, il adore être il adore. Au milieu et il adore, c'est comme ça. Bon, Flou. Oui. Toujours là, Flou. Oui. Bon, et Mélissa aussi. Oui. Bon, on va faire le top tweetos. Pas de soucis. Bah allez, c'est parti, numéro 5, alors, numéro 1, parce que je rappelle qu'on offre le sextoy au cinquième top tweetos, donc celui qui a été le cinquième plus influent pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui gagnent, enfin en tout cas on espère. Il semble qu'il a déjà gagné le cinquième. C'est vrai ? Bah écoute, on verra. Numéro 1. Alors c'est Cédric. Cédric, numéro 2. C'est DJ Roms. DJ Roms. Ah pas mal, c'est vrai qu'il a beaucoup tweeté ce soir. Numéro 3. C'est Julien. Enfin, Julien. Quinquin. Quinquin, donc c'est ça, qui lui aussi a beaucoup tweeté, mais un peu comme d'habitude. Numéro 4. Fred S. Et numéro 5. Paul PC28. Ah ouais, je sais pas s'il a déjà gagné le sextoy. Bon bah s'il a déjà gagné le sextoy, bah on l'offrira à quelqu'un d'autre, hein, qui soit franc et honnête, bien entendu. Ouais. Paul PC28, bien entendu. Bon, et bah voilà, merci en tout cas à vous. On se retrouve demain à partir de 23h, bien entendu également. Mélissa et Flou. Oui. Bah bonne soirée à vous deux les filles. On peut pas avoir un petit accent Love in Fun. Bah Love in Fun, tu as demandé Love in Fun. Love in. Mais il m'a répondu la B, ça avait l'air. De quoi? Quelle horreur là. Flou, écoute, ce que je vais te dire, c'est que tu redemanderas quoi que ce soit quand t'auras une vraie voix. Parce que là c'est pas possible, je peux plus te parler comme ça quoi. Depuis 19h. Non, je comprends rien. Je comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien, Flou. Oh, et en plus elle nous contamine. En plus elle nous contamine avec tous ces putains de microbes là qui sont partout, c'est scandaleux. Nickel. Ouais. Je peux faire une dédicace? Attends. Nettoie. Oh, tu m'as saloupé mon écran là. Oh putain. Fais gaffe, l'eau, c'est éternu. Bon, oui, non, n'éternue pas sinon je te vire. Bon, qui voulait faire une dédicace? Je voulais faire une dédicace à Jason que Sandro m'a présenté hier. Bah, l'autre a fait... À qui, Mélissa? Il fait des speed dating. Jason. Jason que Sandro t'a présenté hier? Oui. Je sais pas de quoi elle parle. Alors qu'elle arrive pas à se trouver un mec à elle-même, dis donc ça alors. Mais par contre, ah bah pour les autres, tourner. Ça... Ah bah, ouais, elle fait, si tourner, la... elle fait tourner la Jana, évidemment. Hein. Enfin, l'annuaire plutôt. Bon, hein. Mélissa, tu me dois un cum. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, le message est passé, Mélissa. Hein. Un cum retour. Ok. Bon, bah, gros bisous, les filles, en à bientôt. Plus, j'étais prêt, hein. Ah bah, tant mieux, écoute, Mélissa. Bah, écoute, bonne bourre, hein, sors couverte. Salut, Mélissa, salut, Flou. Au revoir. Salut. Ciao, bye. Ciao. Et Maëva également, qui est avec nous et qui voulait chanter le générique de fin. T'es là, Maëva? Oui, salut, bon. La famille. Eh ben, salut à toi, Maïva. Salut, ma gueule. Tiens, il y a Youssef qui dit, je peux avoir un message de bienvenue, c'est Youssef, bah, bien sûr. Tu sors de queue. Voilà, tu l'as eu ton message de bienvenue, tiens. Et Angelina qui dit, quel plaisir de vous avoir jusqu'à 2h, je parle pas de toi, Tof. Oh là là là là là là. Bon. Sacré Angelina. Allez, on y va. Je suis sûr que je lui manquerais si j'étais pas là. Oh, pas sûr encore, hein. Tu t'emballes peut-être un petit peu. Générique de fin, tu connais, Maïva, la chanson quand même? Ouais, un peu. Un peu, bon allez, on y va, c'est parti. En même temps, c'est pas très compliqué. De merde, toi, l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi, l'enculé. Un enculé entre cul, ton nom, y'a plus. Toi, l'enculé. Mais pour l'enculé, tu vois. L'enculé. Pire, j'ai ta journée. Ouais, c'est ta mère, hein. Je te fais bander, moi. Je vais t'enculer, pédé. Je vais te montrer comment tu vas bander. Oh, grand chapitre. Allez vous faire enculer profondément. Tu sors de queue. Qu'est-ce qui se passe ici? Va voir ta grosse mère. Elle est en train de se faire niquer dans un champ de bites, espèce de con. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Et puis les pas de queue. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Eh oui, merci Lou comme chaque soir, bien entendu. Eh ben merci Maëva. Rien. Eh ben je te fais des gros bisous, tu vas retourner chez Sandro au standard. Ok, merci. Je t'embrasse. Bisous. Salut Maëva. Et Tof, je vous kiffe, Mickaël. Oh, c'est gentil, Maëva. C'est gentil pour moi. Tof aussi. Et vous êtes les bienvenus à Toulon. Ouais, venez, Mickaël. Ah, c'est gentil, Maëva. Bah oui, apparemment. Hein. Bah, en même temps, t'as pas eu de voix, donc on t'a pas beaucoup entendu ce soir. Est-ce qu'il nous a fait des vacances? Ah oui, c'est pas mal. Parce que maintenant, moi, il gueule pas, comme ça, c'est bien. Bah écoute, Toulon, je sais pas quand est-ce qu'on va venir, Maëva, mais en tout cas, on sera à Montpellier le week-end du 6, 7 et 8 décembre. Donc la semaine prochaine quoi. Bah pas le week-end qui arrive, le week-end d'après. Oui c'est ça. Voilà c'est ça. Donc on sera à Montpellier, on fera l'émission en direct de là-bas, on va faire un foot avec vous, ça va être la folie totale. On va mettre des patates, moi, vous allez voir ça. Vous allez voir, il y a Cristiano Ronaldo qui arrive à Montpellier, ouais, c'est-à-dire moi-même. Ouais, on l'emmerde de vrai. Non, t'inquiète. Cristiano Ronaldo c'est une balle. Voilà. Exactement Maëva, merci beaucoup, je te fais des bisous, bonne nuit. Salut, ciao à toi Maëva. Bon, on se retrouve demain. En tout cas, ça nous a fait plaisir cette petite maladie de polo là. Pourquoi? Se calme. C'est ça, gueule pas. Y a pas dans les couloirs. Enculé. Des trucs qui gueulent. Alors que c'est moi, j'ai retrouvé ma voix, comme tu peux le remarquer. C'est pas moi qui hurle. Oui, c'est bah, stagiaire. Bah, bien sûr. Ouais. Ce connard de stagiaire. Bon, on se retrouve demain sur Fun Radio en pleine forme à partir de 23h, bien entendu, avec encore des PlayStation 4 à gagner. Merci à tout le monde d'avoir été là. Youssef notamment, Angelina, bien sûr. Stéphanini, il y avait Fatih, il y avait Nadie, il y avait Serge, il y avait Clem, bien sûr aussi. Il y avait Gwendoline et puis tous les nouveaux qui sont arrivés. Vous avez été plusieurs milliers à débarquer ce soir, hein, sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Et bah, continuez. Il y a Léa également qui est connecté aussi, hein, comme d'habitude. Et puis bah, GTR, il y a également, où est-ce qu'il est? Il y a Fanfan la Freluche, il y a qui aussi? Il y a Denis, il y a Adrien, etc., etc. Merci d'avoir été là ce soir. Je vous retrouve demain avec plaisir dès 23h sur Fun Radio. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et Et puis on va accueillir notre ami JB. Comment ça va? Eh bah écoute, ma foi plutôt pas mal. Je suis rentré dans le studio, Tof me faisait des petits bisous. Bah oui. Alors, mon chéri. Est-ce qu'on a la vidéo? Parce que j'ai vu qu'il l'a montée tout à l'heure. Oui, hein, la vidéo est prête, je la mets pour le début de JB. D'accord, la vidéo d'hier soir. Elle sera uploadée juste pour le début de son émission. Voilà, pour ceux j'ai qui n'étaient pas là. La pire nuit de mon existence. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, donc JB m'avait lancé un défi jeudi dernier de dire sur la scène de Starfloor donc ce week-end, d'imiter Bruno de chez de Bruno dans la radio là. Alors oui, je devrais passer l'extrait à 6h du mat. On l'a entendu qu'il a dit ce matin, mais horrible. Pourquoi il imite comme ça, je comprends pas. Et pendant qu'il dit ça, il rigole et fait ça m'a fait rire. La France. Défi réalisé, hein. Oui. La haut la main. À quel prix? Voilà. Et donc du coup, forcément, JB a perdu le pari et Tof lui a roulé une pelle avec la bave. Mais n'oublions pas que Tof avait mangé du 4-quart au porc avant. Oui. C'est le 4-quart que JB avait apprécié, hein, à sa juste valeur. Et d'ailleurs, il est où le 4-quart au porc? Je sais pas, je veux pas entendre parler. Mais je te l'avais laissé, JB, pour le finir. Ah bah oui, un 4-quart au porc, ça se refuse pas. C'est affreux, je vous jure. Oh, tout de suite les grands mots. C'est bon, d'affreux. Je vous mets la vidéo dans quelques minutes sur le Facebook de l'émission, le Twitter également, donc facebook.com/mikl officiel. Venez nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. Et pareil sur le Twitter, vous m'ajoutez, je vous ajouterai également. Vous tapez mikl_officiel. Bon, JB donc en pleine forme, qui est à deux doigts de vomir comme hier. Non, là je suis non. Ça va. Il est bien JB. Ça va alors, très bien. Je suis bien. Bon. Je vais rester pour m'occuper. Ah bah voilà, il va faire un petit massage. Mais des tu me fais peur, hein. J'espère bien. Mais toi, c'est recto verso, hein. Ah bon? Ah oui? Bien sûr. Tu veux pas que... Un doigt? Oh là là. Mais t'es fou, toi. Oh, tout de suite. Oh, tout de suite. Deux tout doigts, suite, oui, mais pas un. Ah. Eh bien, ce sera le prochain défi. Demain, j'apporte le lubrifiant. Voilà. J'espère qu'avec tout ce que vous me faites subir, à Noël, j'aurai le droit à des stripteaseuses ou des masseuses, je sais pas, un bon défi. D'accord. Ouais. D'accord. Non, mais... Des stripteaseuses, j'ai dit. D'accord. Elle a traîné un gros travail du bois. C'est ça, ouais. Mais est-ce que tu seras là la nuit du 24 décembre 24-25 chez moi? Jib. Alors que nous on sera là. Bah c'est bien, travailler les gars. Non, mais toi qui dis pour Noël, tu veux ça? On est là, Noël, non, mais la dernière là. Émission avant Noël. Ah non, c'est le pour 20. Noël. Si tu viens à Noël, on te le fait. Nous on est là la nuit du 24 parce que nous, tu vois, on fait attention aux auditeurs. Les auditeurs, il y en a qui seront seuls, on sera avec eux. Alors JB, il s'en branle, lui se barre. On aura, attention, salon de massage ici, jacuzzi là-bas. Et là, JB, tu vois là. Oui. Barre de pole dance. Ah ouais. Une petite barre de pole dance, ça peut être bon mec, ça. Ah mec, on va se marrer. Voilà. Mais toi, tu seras pas là. Eh ouais, c'est dommage. Bah, mais vous le faites le 20, on s'organise. Ah non, c'est impossible le 20, non. Parce que le Père Noël, il passe pas le 20, il passe le 24. Le 20. Ah oui, soir. Eh ouais, et Mère Noël aussi. Eh ouais, mec. Bon, enfin bon, on peut faire une dérogation. Allez, passez une bonne nuit. On se quitte avec quoi? Ouais, un petit ok, comme ça, ça passe. On se quitte, tu veux. Alors, j'ai une nouvelle bombe, si vous voulez. C'est quoi? Asie. Non, je l'ai mis tout à l'heure. Ah mince, j'aime bien. Ouais. Ah ouais, je sais bien, mais elle t'aime pas. Hein. Bon, bah écoute. Donc, bah, elle nous a dit qu'elle voulait plus passer dans ton émission. On peut mettre Avicii ou Legacy. Tu veux pas qu'on mette Kinvé là? Je l'ai vu Kinvé là. Ah si tu veux, on peut mettre Kinvé, j'aime bien. Hein? T'aimes bien? Ouais. Le pire, c'est que ça m'étonne même pas. Ah non, mais allez, on écoute Nicky Romero avec Legacy. Maintenant, on se retrouve demain à 23h. Ciao.